J'ai voulu terminer aujourd'hui avec donc une thématique qui me paraît importante. On a commencé, vous n'étiez pas encore arrivé, mais avec un extrait notamment de Woody Allen, Waterworks, ou avec, je sais pas si vous l'avez vu, qui est un film de Woody Allen où le personnage, Woody Allen le fait souvent, mais parle à la caméra directement, justement, et s'exprime par rapport au public en disant, mais oui, il y a un public, et directement, et non par rapport à cette frontière qui s'efface entre, on va dire, la salle de cinéma et l'écran, et l'animation évidemment qui est de plus en plus présente aussi dans le monde réel. Donc il y a ce mélange entre les deux. Est-ce que, là j'avais amené un livre, le livre de Paul Wells, et le film de, le livre, pardon, de Paul Wells et le livre de Marcel Jean qu'on avait déjà vu en début de semaine. Est-ce que vous, donc il tente des définitions à chaque fois, alors on sent bien la difficulté de faire une définition du cinéma d'animation, ils disent, ah ben il y a un tel qui dit ça, bon c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Avec Antoine, je sais qu'à chaque fois il y a l'idée donc de comment définir l'autre cinéma, l'image par image, un peu plus facile, l'animation. L'autre, c'est la prise de vue continue, maintenant c'est pas ça, prise de vue réelle, la pixelation c'est la prise de vue réelle, on sait bien. Donc cette difficulté, est-ce que pour vous il y a une bonne définition pour vous deux de l'animation? Dès le début, on commence avec la question. Antoine, tu devrais aussi avoir. Je sais pas lequel de vous deux. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, Antoine Lopez est le créateur du festival de Clermont-Ferrand et Marco de Blois, et programmateur notamment du cinéma d'animation à la Cinémathèque du Québec. Marco, tu veux commencer? Ouais, je peux peut-être me lancer. Bonjour tout le monde. En fait, je savais pas que tu me demanderais comme ça brutalement de donner une définition Je te rassure, c'est pareil pour. Ah oui. du cinéma d'animation. Mais ce que je peux quand même dire, bon, j'en parlais quand on s'est vu mardi. Bon, je suis aussi enseignant à l'Université Concordia. J'enseigne l'histoire de l'animation. En fait, j'ai enseigné cet hiver l'histoire de l'animation. Et bon, évidemment, la plupart des étudiants sont des étudiants d'animation qui arrivent donc avec la conviction de savoir ce qu'est l'animation. Il y a aussi des gens qui ont un profil plus théorique, disons, qui viennent des études cinématographiques. Et je m'amuse à un moment donné de la session à leur donner plusieurs définitions ayant été écrites à travers les âges de ce qu'est l'animation. En insistant par exemple sur certains points, comment le film Tango de Zbigniew Brzeziński, qui avait été présenté à Annecy vers 1980, je crois, avait bousculé les idées reçues à l'époque. Certains spectateurs, le film avait remporté le Grand Prix et certains spectateurs s'étaient offusqués, donc un film de prise de vue réelle, puisque c'est de l'animation de photo, pour aller vite. Donc, comment se fait-il qu'un film comme celui-là puisse être considéré comme de l'animation? Bon, bien, maintenant, on a élargi la notion de ce qu'est l'animation et on reconnaît que Tango est un film d'animation. Ou alors, vous savez, le festival d'Annecy en 68 avait été annulé et c'est l'année où Pas de deux de Norman McLaren aurait été théoriquement soumis. Et je me suis toujours demandé, est-ce que le film aurait été sélectionné, est-ce qu'on aurait considéré à l'époque que Pas de deux de McLaren est un film d'animation? Et si on regarde les courts-métrages sélectionnés en compétition officielle, il y a aussi le film de Hergé Barta, qui est un objet assez énigmatique et assez difficile à décrire au point de vue technique. Et c'est le genre donc d'œuvre qui nous oblige à redéfinir et à penser ce qu'est l'animation. Est-ce que l'animation est une technique? Est-ce que l'animation est une esthétique, une façon de penser l'image, de penser le mouvement? Enfin bref, c'est multiple et donc je n'ai pas de définition à te donner pour le moment. Antoine, peut-être qu'on va y arriver à la fin. Ah Hein, oui. c'est... Ah. Bon, je ne veux pas donc marcher sur le même type de raisonnement avec lequel que je partage évidemment avec Marco. Du coup, pendant qu'il parlait, je réfléchissais à ce que je vais vous dire. C'est terrible, n'est-ce pas? Et moi, je vais plutôt parler de. Je dirais, alors c'est un peu verficoté, mais je pense que le cinéma d'animation, c'est le cinéma d'enfance. Alors, attention, quand je dis ça, Ah oui. Je vais d'abord finir. Tu fais de la provocation ce matin. Oui, c'est très bien. Si tu voulais ce matin, on va tous se Et réveiller. pourquoi c'est le cinéma d'enfance? Parce que c'est la magie qui nous éblouit chaque fois qu'on voit un dessin qui bouge. Je veux dire, on ne pourra pas vous enlever ça. C'est-à-dire que vous faites un dessin et ça bouge, c'est quand même quelque chose, c'est vraiment la, pour moi la magie à l'état pur. Et cet état de fascination et d'émerveillement qu'on a pu acquérir la première fois qu'on a vu un film d'animation, ou la première fois que nous-mêmes avons pu animer un petit bonhomme ou une balle qui tourne, n'importe quoi, c'est quelque chose aujourd'hui. Alors, donc deuxième point, moi je n'aime plus, enfin je n'aime pas le cinéma d'animation pour enfants. Enfin, je n'aime pas, je m'y intéresse pas, c'est quelque chose que j'ai rejeté. Et par contre, ce que je recherche dans le cinéma pour adultes, salut. Salut lui. C'est retrouver cette magie-là primitive, mais avec mes sens d'adulte et mon approche d'adulte. Et c'est pour ça que quand je vois des films de Rizinski, que tu citais tout à l'heure, je retrouve cet état d'émerveillement enfant, mais avec moi adulte, avec tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai pu gagner au fil du temps. Donc l'animation, pour moi, c'est ça. Et pourquoi je m'y intéresse toujours? Parce que je vais chercher indéfiniment cet état de grâce dans les films d'animation que je trouve qui m'émeuvent, qui me fascinent plus que le cinéma. Parce que, il y a très bons films, en plus de vue continue, parce que j'essaie d'évacuer réel, parce qu'on a bien dit, les dessins sont si réels quand on les filme. Hein, c'est un peu ridicule comme nom, mais voilà. Donc c'est dans ce monde, avec cette technique de l'image par image, dans ce qu'on appelle globalement le cinéma d'animation, que moi je pars ailleurs. Et non seulement je pars ailleurs, mais je ne fais pas que m'émerveiller. C'est aussi quelque chose que, dans le cinéma en général et dans le cinéma d'animation en particulier, je cherche également, c'est de devenir un peu plus intelligent. C'est-à-dire, quand je vois un film, j'essaie de sortir moins con que je suis rentré dans la salle. Voilà, c'est un peu l'idée aussi, hein. C'est l'épanouissement en fait, hein, aussi, hein. C'est intellectuel, culturel évidemment, qui joue. Alors bon, ça va au-delà. Mais voilà, pour moi, peut-être, c'est à la fois un cinéma d'enfance qu'on essaie de faire perdurer dans notre état d'adulte, si je peux donner une donc, définition. On est d'accord avec cette phrase qui est tirée donc, de Marcel Jean, enfin, tout le début, hein, ce que le cinéma d'animation fera mon fils. Parle de son fils, il explique, et c'est un équivalent à l'effervescence de son monde intérieur, un monde qui lui permet de faire converser un rhinocéros et une girafe de matière plastique. L'univers fantastique de l'animation offre une réponse, un prolongement à ses jeux. Il en va de même lorsque l'enfant observe un film d'animation utilisant une technique à trois dimensions, ses jeux de marionnettes, de poupées ou de pâtes à modeler, ce sont littéralement ses jouets qui bougent ici. Le rapport à son univers immédiat n'en est que plus direct, la fascination qui en découle n'en est que plus grande. Alors, c'est tout le texte de Marcel, il faut le lire en entier. Mais je crois qu'en fait, il est question dans ce passage de l'animation de marionnettes, si je me trompe. Au tout début, il parle du dessin, en fait, puisque au tout début, il dit quand Maximilien, c'est le nom de mon fils, regarde un film en prise de vue, il voit le monde. Il voit des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des objets. Il reconnaît le monde et n'est aucunement impressionné par la prouesse technologique qui permet sa reproduction. Il n'a pas la réaction des premiers spectateurs de cinéma qui étaient troublés à la vue d'un train entrant en gare. Quand il regarde un tel film, Maximilien ne s'étonne pas de voir les êtres bouger. C'est le monde et ça bouge, ça va de soi. Le visionnement d'un film d'animation, cependant, lui procure une toute autre émotion. Ce qui bouge, ce sont ses dessins. Ce sont des dessins, c'est quelque chose qui n'est pas le monde. Quelque chose qu'il a d'abord aperçu dans les livres, puis dont il a fait l'expérience en traçant lui-même des lignes sur une feuille. Donc il parle bien des dessins aussi de son fils. Et le fait que lui les voit bouger, c'est cette magie un petit peu dont parle Antoine, justement. Non, je disais que comme Olivier est arrivé, il faudrait qu'il donne sa définition. Oui, t'inquiète pas. Il va y avoir droit aussi. Si, t'inquiète pas, Antoine, il va y avoir droit, mais il va y avoir droit, mais je vais laisser si Marco voulait réagir. Oui, en fait, très très rapidement, il y a quelque chose de particulier à l'animation, c'est la j'emploie un mot qui est dur là, mais c'est la dictature de la fantasmagorie. Et je sais que l'idée de fantasmagorie est capitale dans l'histoire de l'animation, puisque c'est bien entendu le titre du film célèbre d'Émile Cole, mais donc on pense souvent l'animation en termes de fantasmagorie, de magie, de prestidigitation en quelque sorte. Et on sait comment, par exemple, dans l'animation américaine de l'époque muette, l'animateur est lui-même se présente lui-même en prise de vue réelle comme une sorte de magicien. Bon, vous nous avez remarqué, c'est ça, qui va donc venir animer les images. En revanche, quand on voit un film comme Jasmine que j'ai vu hier soir, qui est un très curieux objet que j'ai par ailleurs beaucoup aimé et qui nous oblige à une décélération brutale en plein milieu d'un festival parce que c'est un film qui est lent et c'est un film dans lequel il y a beaucoup de dialogues. Et c'est un film aussi dont on a qualifié l'animation, c'est un mélange Prise de vue réelle et animation, donc c'est un film dont on a qualifié l'animation de minimaliste, de façon, cela dit, je trouve un peu péjorative. Je ne crois pas ici qu'on retrouve l'idée de fantasmagorie, de magie, qu'on attribue souvent à l'animation et qui peut-être parfois entraîne une infantilisation de l'animation. Alors, merci pour ce petit passage. Juste Alain Huguetteux, qui n'avait pas pu venir pour le documentaire, enfin, qui n'était pas là pour le documentaire, mais sera là tout à l'heure, dans l'histoire de Jasmine, pour nous parler un petit peu justement du film. Olivier, donc on était sur l'élection la plus dure. J'ai commencé comme ça pour déstabiliser, pour avancer, voilà. Est-ce qu'il y a pour toi une bonne définition du cinéma d'animation? Donc Olivier 4, pardon. Désolé pour ce retard, j'ai été pris par des obligations de producteur. Voilà, c'est pas juste parce que je me suis levé trop tard. La définition, a priori, c'est une définition technique, mais elle ne me semble pas forcément toujours très, très pertinente. Pour moi, c'est plus une démarche, de réappropriation du réel, quelque chose comme ça, de réinterprétation extrême du réel. La question technique me semble très, très secondaire. À la limite, je pense que le travail de gens comme Tom Rakage ou même Digal Latov relève presque de l'animation quelque part dans la démarche, même si ce n'est pas du tout de l'image par image. Donc voilà, c'est cette volonté d'avoir un regard sur le réel et de donner quelque chose d'éminemment subjectif dessus. Voilà, a fortiori, quand on crée une distance visuelle très forte, mais on peut être aussi très proche de la réalité, en très ressemblant à la réalité là-dedans. Pour moi, les séquences animées, par exemple, qui simplement se substituent à quelque chose qu'on ne peut pas filmer en réel, ce n'est pas vraiment de l'animation, même si c'est effectivement des techniques d'animation. Donc voilà, c'est ça que je cherche et c'est ça que je trouve extrêmement stimulant et ludique. Et stimulant pour l'esprit, c'est cette distance. Alors, j'avais appelé la conférence animation un genre, image par image, une technique, de manière un peu provocatrice, parce qu'évidemment, ça réduit énormément les champs des possibilités de mettre l'animation que dans un genre. Mais est-ce qu'on n'a pas une problématique au niveau du terme en lui-même, qui est animation, donc l'idée d'animarer, l'idée de donner vie à quelque chose qui n'a pas vie, et qui fait que, par exemple, en Europe, on est souvent sur l'image par image? Alors que, par exemple, même dans le monde anglo-saxon, on peut plus dire, par exemple, que Dark Crystal ou Muppet Show pourrait être aussi, donc Marionnette à fil, pourrait être aussi de l'animation, parce qu'en effet, ça donne vie, finalement, à quelque chose qui n'a pas de vie à la base. Donc, est-ce que là, on n'a pas une problématique au niveau du terme même animation, qui est très beau, très poétique? Marco, tu parlais de fantasmagorie, ce genre de choses, mais aussi l'animation, le terme en lui-même poétique, ne réduit-elle pas, finalement, le champ de ce cinéma-là, dès le début, dès son terme? Marco? Alors, est-ce qu'on vote l'abandon du mot animation? Est-ce que... voilà, c'est un peu l'idée. Non, en fait, oui. Oui. Moi, j'aime beaucoup penser... Donc, abandonnons pendant quelques instants le mot animation. J'aime penser cette discipline comme un art du contrôle. Et cette discipline, pour moi, c'est l'art d'un contrôle absolu sur le déroulement des images, sur le mouvement. Et à un tel point, d'ailleurs, que le contrôle, l'idée de contrôle peut être elle-même mise en cause par des cinéastes comme Pierre Hébert, par exemple, qui délibérément se mettent en danger en faisant de l'animation en direct. Mais à la base, pour moi, cette discipline, c'est une discipline du contrôle. Et les exemples qu'Olivier a donnés, je pense surtout à Vertov, est intéressant parce que c'est une introduction donc de cette idée, de ce concept de contrôle dans la prise de vue réelle, parce que le film de Vertov est très très contrôlé du début jusqu'à la fin par par les cadres, par le montage, donc etc. On n'est pas donc dans une approche technique fondée sur l'image par image, mais il s'agit donc d'une façon de penser le cinéma par l'idée du contrôle. Et ce faisant, on peut peut-être élargir donc cette notion d'animation. Olivier, Antoine, par rapport à cette idée de terme animation, et puis là, l'élargissement au niveau du contrôle, comme disait Marco. Oui, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marco. Je pense que... Je le comprends, j'aime pas trop ce terme de contrôle, mais parce qu'on peut avoir quelqu'un qui contrôle extrêmement bien, qui nous donne des films absolument inintéressants. Mais je dirais que si j'aime l'animation, et si l'animation, c'est parce qu'il y a, à mon avis, une subjectivité. Tout cinéaste a une subjectivité, d'accord ? Ça, c'est un... on ne peut pas l'enlever. Mais je pense que la subjectivité du cinéaste, ou de la cinéaste, s'exprime beaucoup plus fortement, je trouve, dans l'animation. Et je pense surtout au court-métrage. Parce qu'on n'a pas des machineries énormes qui font que tout ça se dilue dans un long-métrage. On a beaucoup de dilution. Paul Brissel disait à Clermont, quand il était au jury, quelqu'un lui posait la question, vous avez toute une carrière avec des courts-métrages, il a fait 24 ou 25 courts-métrages dans sa carrière. Est-ce que vous allez passer au long-métrage comme beaucoup de cinéastes ont envie de le faire, ça? Il disait non, pas du tout, parce que moi, je sais très bien que je vais perdre. En gros, il disait, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais enfin, je vais perdre mon âme, je vais perdre ma personnalité parce que je vais déléguer plein de choses et tout ça, ça va se diluer. Et au bout du compte, est-ce que ce sera vraiment mon film derrière? Donc je pense que l'animation, en tous les cas, le court-métrage d'animation a cela d'intéressant que l'auteur, a priori, maîtrise et contrôle, comme tu disais, c'est pour ça que le terme revient, mais cette maîtrise-contrôle, c'est l'expression la plus aboutie, ou en tous les cas, la recherche de cet aboutissement, de sa subjectivité la plus totale, et de son expression dans ce qu'il y a de mieux, une expression plastique. C'est pour ça que pour moi, si l'animation, c'est vraiment un artiste plasticien qui joue avec des images qui bougent. Évidemment, c'est l'art du contrôle, c'est l'art du mouvement, etc. Mais je pense que c'est aussi l'art de l'expression la plus aboutie de la part d'un être humain, enfin en matière de cinéma. Olivier ? Absolument. Oui, on peut dire ça. Maintenant, ce qui peut être parfois gênant dans l'animation, c'est justement presque l'excès de contrôle. Parce que c'est vrai que dans l'incident, il y a quelque chose qui peut être aussi tout à fait passionnant. Et la façon dont on s'accapare l'accident, dont on fait quelque chose de l'incident, alors ce qui existe dans un certain nombre de cinéastes de vue continue, ça va. Oui. Oui, ça va, sinon je m'en vais. Aussi dans l'animation, parfois, en faisant, en utilisant le dessin ou la marionnette ou d'autres outils, le contrôle échappe et il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et ça, c'est important, je pense, de ne pas être un freak contrôle et d'arriver à aussi créer à partir de là. Et le fait d'avoir des outils de contrôle qui sont tellement puissants aujourd'hui pose un vrai problème de ce côté-là. Quand on voit, par exemple, quand Florence Mien fait partager son expérience par rapport à son passage de technique traditionnelle à l'utilisation numérique, la frustration vient de là, quoi. Elle a un total contrôle finalement sur l'image qu'elle produit et elle en use et elle en abuse, mais quelque part elle perd l'incident et elle perd quelque chose de son travail, quelque chose qui lui a échappé comme ça, donc elle peut faire quelque chose de nouveau, quoi. Est-ce qu'on a une problématique? Hier, à votre place, il y avait trois autres grands noms de l'animation, puisqu'il y avait Théodore Richef, Jérémy Clapin et Florence Miaille, justement, et c'était étonnant parce qu'au départ, je pensais partir sur un débat plus sur leur film, et grâce aussi à Théodore Richef qui est parti dans un grand discours comme il sait les faire, oui. C'est bien parce que ça a complètement bouleversé, et ça nous a donné justement une réflexion plutôt sur leur travail, et notamment sur cette idée d'improvisation. Je parlais avec Théodore notamment de Free Jazz en disant on a l'impression qu'il y a une base, il a une base, il dit je commence par le début, hein, par la fin, puis après ben, j'avance, puis on voit ce qui se donne. Et on s'est rendu compte aussi avec donc, Jérémy et Florence Mien qu'il y avait des vraiment trois manières de travailler différentes. Est-ce qu'aussi l'un des problèmes qu'on a, c'est que l'animation, c'est beaucoup de la technique, et par exemple dans les écoles, c'est toujours un peu la même technique quasiment qui est présentée. Alors, par exemple nous en France, entre l'ENSAD et les Gobelins, c'est différent, mais quand même, il y a quelque part l'idée de mettre la technique avant, et que finalement, je trouve qu'il n'y a pas forcément une grande pluralité, alors j'exagère, hein, je caricature un peu, dans les courts-métrages qu'on a d'animation, et on commence à avoir on a des films qui se ressemblent quand même beaucoup. On n'a pas, on les entend disant qu'on n'avait pas Tarkovsky ou Bergman, par exemple, en cinéma d'animation, même s'il y a des gens évidemment très importants. Un peu provocateur, Olivier, vas-y. On a eu quand même des gens qui étaient... Alors Bergman, c'est plus compliqué en animation, mais oui. Tarkovsky... On va faire un lien avec Nordstein, bien sûr. Oui, ouais, mais par exemple, Bergman, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui prend son temps... Sur, par exemple, je ne sais pas ce que vous pensez de la provision cinématographique justement de Jérémy Clapin avec son film Panier Pédarium. Alors, on n'est pas dans du Bergman, mais je trouvais d'un seul coup qu'il proposait un petit peu quelque chose de différent, comme si d'avancer vers autre chose. Oui, moi je trouve, oui, par exemple, clairement, Jérémy, c'est quelqu'un qui gagne en liberté de film en film. C'est évident. Entre les trois films, je trouve qu'à chaque fois, il franchit un pas, il s'affranchit de quelque chose de très structuré, de très contrôlé, pour aller vers quelque chose où il laisse plus de place à des interstices d'interprétation, des choses plus poétiques. Voilà. Donc il gagne en liberté. C'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, les gens font les démarches exactement inverses des cinéastes. Plus ils avancent dans l'âge, dans la maîtrise, plus ça se rétrécit quelque part. Antoine, toi qui as clairement à les deux à la fois la prise de vue continue, image par image, qu'est-ce que tu as pour moi? Il faut se méfier de. Bon, forcément, le cinéma d'animation s'inscrit dans l'histoire du cinéma, mais il faut se méfier des. Comme tu viens de faire, d'avoir des référents dans la prise de vue réelle. Plus ou moins continu. Bergman, je pense que le cinéma d'animation crée ses propres auteurs, ses propres formes, et qu'elle va largement à certaines autres, et que, voilà, c'est bien évidemment de tout dire, c'est quand même du cinéma, tout ça, hein, et, mais ça s'agace un peu, quoi, c'est... En plus, moi, Bergman, je suis pas fou, donc... donc voilà. Mais... je pense qu'on peut citer Manstein, mais voilà, je veux dire, on peut citer Franck Meyer. Est-ce qu'il y a des équivalents de l'autre côté? On pourrait se dire ça, tu vois. Est-ce qu'un jour, les cinéastes en plus de vue continue vont arriver au niveau de Franck Meyer ou de Manstein? Tu vois, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Ça change de point de vue. Voilà, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Après, moi, je pense que au niveau des formes, alors, ça dépend si on plonge dans l'histoire du cinéma d'animation depuis les origines jusqu'au jour ou si on est dans la production contemporaine. Je pense que si tu as cité des écoles, on parle de films de gens qui débutent, quoi, vraiment qui sont là. Donc on ne peut pas leur demander d'être d'un seul coup au niveau de Einstein, par exemple, ou de Franck Meyer, avec un premier film. Ça peut arriver, hein, je veux dire, tout est possible dans le monde. Mais il ne faut pas, évidemment, ce serait trop beau, on ne peut pas rêver d'avoir des films extraordinaires. Moi, par contre, ce que je pense, c'est que quand un film est très bon, et si je prends un film en prise de vie continue, un film en animation, en général, je trouve que l'animation est toujours meilleure. C'est-à-dire que je parle toujours des courts-métrages parce que c'est surtout ce monde-là que je connais. Je pense que le court-métrage d'animation, quand il est réussi, il est vraiment extraordinaire. À cause de la concentration qu'impose l'animation elle-même. Je veux dire, on a une densité dans un court-métrage d'animation qui peut être équivalente à celle d'un long-métrage. Je me souviens d'avoir vu à un moment donné dans un programme de court-métrage récent un film de Jacques Drouin. Et tout à coup, je réalisais comment ce film était d'une telle concentration qui n'avait pas sa place dans ce programme de court-métrage. C'était lequel? C'était Empreinte. D'accord. Un de ses plus récents. Le cas de Nordstein particulier, bon, on peut peut-être effectivement le comparer à celui de Tarkovsky ou alors à celui de Bergman, mais bon, Bergman faisait quand même un film aux 2 ans à peu près, ou aux 3 ans. Et Nordstein a la particularité, sa dernière œuvre, c'est pas un film, c'est un work in progress, c'est une performance. quoi, ça fait 15 ans? 81, non? Le menton? Ça fait vraiment 31 ans. 31 ans, alors 31 ans, donc, à présenter quelques secondes supplémentaires d'un film dont on verra probablement jamais, qu'on verra peut-être jamais. Donc, et parlant de Jacques Drouin, je me souviens, j'avais fait une rétrospective intégrale de l'œuvre de Jacques Drouin à la Cinémathèque québécoise, et la rétrospective intégrale durait 35 minutes. Alors que si on fait une chose équivalente avec un grand cinéaste de prise de vue réelle, la rétrospective intégrale va durer 2 semaines, 3 semaines. Alors donc, il y a quelque chose d'assez particulier dans l'animation qui complique effectivement des comparaisons, qui rendent impossibles et peut-être pas très pertinentes des comparaisons comme celle-là. Donc, est-ce que, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que ça veut dire qu'en effet, même si c'est du cinéma, même s'il y a quelque chose de purement technique derrière, est-ce qu'en fait, c'est pas pour arriver à cette idée que l'animation est un art, finalement, en soi, qu'il faut justement éloigner de son cousin, à finalement peut-être très lointain, de prise de vue continue. Et comme disait Antoine à l'instant, finalement, c'est un peu stupide de se dire ah bah, il n'y a pas Bergman dans, dans l'un et puis il n'y a pas de Schwenkmayr dans l'autre. C'est juste deux arcs complètement différents. On ne dit pas il n'y a pas de Picasso forcément en roman, enfin en littérature. Et on dit pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait séparer presque l'animation du mot cinéma. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Simplement, c'est la pratique de cet art qui est très, très différente. Et ça pose problème, d'ailleurs, parce qu'on en revient à cette histoire d'éducation. Il y a quand même une part importante de maîtrise des outils dans l'animation. Et donc, dans l'apprentissage de l'animation, c'est vrai que souvent, une des difficultés, c'est que les étudiants sont obsédés par l'apprentissage de ces outils, au point d'en oublier l'apprentissage du langage. Du cinéma et tout ça. Or, en ces cas, ça reste quand même du cinéma. Donc, le rôle des enseignants, parfois, en tout cas quand eux ont bien été éduqués, c'est d'apprendre que c'est. Voilà, les outils, c'est juste un moyen. En plus de ça, les outils changent tout le temps, donc ça ne sert à rien de se focaliser dessus. Et qu'on est là pour raconter ou évoquer des choses avec. Encore, j'utilise le terme de liberté, en tout cas, une liberté par rapport au. Par rapport aux outils, les enjeux sont là. C'est quand on est complètement prisonnier de la maîtrise des outils, on oublie de parler, tout simplement. On est juste dans la pratique. Et c'est la grande différence avec la vie réelle qui a quand même beaucoup moins cette problématique, et même de moins en moins, parce que les outils, ils sont tellement simples, enfin bon, jusqu'à un certain point, mais en tout cas, ils se simplifient de plus en plus. Et est-ce qu'on n'en revient pas donc à l'un des problèmes dont on a pendant toute la semaine aussi parlé, c'est-à-dire quand la problématique, c'est quand on sort d'une école d'animation, finalement il y en a certains qui vont vers le court, mais finalement assez peu, et qui vont plutôt vers une industrie qui peut être très intéressante, de séries, de commandes, de longs métrages, et donc en effet il vaut mieux savoir avoir un minimum de technique pour y arriver. Donc ça veut dire qu'on est déjà un peu bloqué par rapport à ça. C'est pas forcément la maîtrise des outils. Les techniques, c'est maîtriser les techniques de d'expression cinématographique à travers le cinéma d'animation. Oui, mais... Donc c'est effectivement maîtriser l'expression des personnages ou qu'est-ce qu'on peut exprimer à un trait ou comment on utilise la couleur pour faire passer des choses. Enfin, c'est tout ce genre de choses-là, c'est pas forcément la maîtrise de l'outil lui-même. Sauf que quand on voit quand même ce qui se passe en animation jouée, je sais pas, moi, deux des longs métrages qui m'ont plu, alors Jasmine, je l'avais vu avant, mais il y a Tito on Ice aussi, où justement on a l'impression où beaucoup de gens finalement aussi sortaient de la salle, certains étaient émerveillés, enfin on disait bah, ça fait du bien de voir ce genre de film, surtout dans un festival d'animation, et d'autres, beaucoup sont sortis en disant mais enfin, ça, voilà, ça n'a pas la qualité de, je sais pas, moi, Epic ou voilà, toutes les grosses productions. Donc ça veut dire que c'est cette idée-là. C'est vraiment pour nous, dans un petit endroit, avec peu de personnes, et on se dit, on va aller voir Tito on Ice, mais pour la plupart, l'animation, c'est avant tout une maîtrise technique. Il faut être impressionné par cette, de plus en plus, vers cette reproduction du réel. On en arrive à la fameuse problématique qui a été, la problématique donc de la création de cette discipline qu'est le cinéma d'animation. Lorsqu'on a créé cette formule, lorsqu'on a créé le Festival d'Annecy en 1960, lorsqu'on a inventé l'idée du cinéma d'animation, on a créé une exclusion. C'est-à-dire qu'on a encerclé donc, une technique de l'image par image. On a créé un grand événement où tous les gens concernés par cette technique se rassemblaient. Et donc, on a détaché le cinéma d'animation du reste du monde du cinéma. Tu fais référence à deux films qui sont, c'est-à-dire Tito on Ice et Jasmine, qui reposent sur un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Bon, ça, c'est assez particulier. C'est effectivement très intéressant parce que ça nous permet de respirer un peu et de sortir du caractère un peu étouffant que peut avoir un festival d'animation à la longue qu'on fréquente avec assiduité. Je suis jamais allé à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas comment l'animation et le court-métrage et la fiction, c'est-à-dire comment l'animation et la fiction cohabitent, se répondent. Est-ce que les publics sont séparés? Est-ce qu'il y a un public pour l'animation, un public pour la fiction? Ou est-ce que tout ça dialogue? Ce qui m'apparaît très formidable. Oui, oui, moi je pense que la grande réputation de Clermont, c'est ça, c'est que il n'y a plus. Tous les films sont au même niveau. Aussi bien un film en prise de vue continue qu'un film d'animation. Tout est mélangé, les gens regardent les films de la même façon. Dans les programmes, peut-être qu'ils sont faits, alors ils sont moins nombreux, parce qu'on n'est pas, on va dire, strictement animation, donc Donc, en compétition française, il y avait à peu près 30% des films qui étaient des films d'animation. Donc, ils sont programmés avec les autres et ils sont vraiment considérés comme les autres. Après, il y a tous les débats sur les prix, etc. On ne retrouve pas les films d'animation, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, en tant qu'organisateur de festival, je peux dire que les films sont vus de la même façon et sont mélangés avec les autres. Il y a même une vraie réflexion au niveau d'une des compétitions, qui est Labo, oui. Où là, on est vraiment dans un mélange et dans un dialogue continu à l'intérieur même des films, oui. Souvent. Oui. Alors, la section Labo avait été mise en place il y a déjà 12 ans, 13 ans. C'était pour montrer une production avec un mot qui a été utilisé à toutes les sources, que je vais reprendre parce que faute de mieux, mais qui est celui de l'hybridation. Hein, on mélange tout joyeusement et ça donne des choses et effectivement, on s'aperçoit dans cette section labo où en fait il faut être clair, je veux dire, quand on est organisateur, on a certains critères. Hein, donc on a une section compétition française, donc c'est clair, c'est des films français. Puis on a une section internationale, et là on essaie de montrer tout ce qui se fait dans le monde. C'est-à-dire qu'on prend en gros le haut du panier, on prend les deux, voire les trois meilleurs films de chaque pays, et on essaie de montrer un peu tout ce qui se fait. Par contre, la section Labo, c'est une section internationale, mais les critères d'origine sont exclus. C'est vraiment les films, ce qu'ils représentent, enfin les techniques, l'hybridation, tout ce qui est en fait expérimentation. Allez, pour faire simple, en gros, on choisit tout ce qui est expérimentation. Et on s'aperçoit effectivement que l'animation est présente dans 60, 70, 80% des films, soit de manière pure, on va dire, c'est ethniquement pure, hein, c'est que de l'anime, soit c'est un joyeux mélange, et là c'est vraiment des films métèques que je les aime bien, donc, qui sont là. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on s'aperçoit que les cinéastes aujourd'hui n'ont pas d'inhibition à mélanger la prise du réel. On en a vu quelques-uns cette année, tant mieux, hein, je veux dire, c'est. Et mélanger les deux, quoi. Donc c'est ça l'intérêt du cinéma, c'est de... Donc, est-ce qu'on est à un moment donné, en fait, pourquoi on a ce débat là alors, qui vaut ce qu'il vaut au niveau de l'intitulé, mais pourquoi est-ce qu'on a ce débat là parce qu'aujourd'hui l'animation, la technique d'animation est un peu plus facile à utiliser qu'à une époque. Et il est évident, je dis souvent par exemple en cours, que Fellini aujourd'hui ferait sûrement des séquences d'animation dans ses films, en disant, oh ben là voilà, je vais me lancer, je vais demander à quelqu'un et en une semaine, enfin voilà, il va faire l'animation, quelle qu'elle soit. Et justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que c'est des gens comme Wes Anderson qui font de la prise de vue réelle, qui se mettent à faire de l'animation, ou des gens, on a montré ici, Fatigué d'être beau, d'Affice et Marchand, qui d'un seul coup font de la prise de vue réelle dans l'animation, et aussi le croisement de regard entre des cinéastes qui finalement mélangent les deux, pas forcément à travers un film, mais dans leur création continue. Cela dit, deux choses. Premièrement, j'imagine que vous êtes, la plupart d'entre vous, des praticiens. Moi, je ne le suis pas. Mais ce que je constate, c'est que faire un film d'animation maintenant, ça prend de moins en moins de temps. Le cas de Théodore Ouchev est spectaculaire. Théo fait un film par année. Il pourra en faire deux. Oui, mais il est grand. Mais il est grand, voilà. Et donc, ce qui amène une œuvre beaucoup plus abondante et... ce qui permet peut-être aussi donc au créateur d'être s'il consacre pas trop 4 ans de sa vie, alors donc il est constamment relancé, son inspiration est constamment relancée sur un autre projet. Et par la même occasion, je constate que les transfuges allant de l'animation vers la prise de vue continue sont de plus en plus nombreux. Bon, l'autre soir, je présentais la rétrospective Robert Morgan. Et Morgan a fait un court-métrage de prise de vue continue, donc un film d'horreur d'une durée de 10 minutes qui s'intitule Monsters, donc un film avec acteurs. On a décidé de l'inclure dans la rétrospective parce que le film s'insérait avec cohérence dans l'œuvre, même si c'est de la prise de vue continue. Cela dit, ça nous amène à la question suivante, jusqu'à quel point alors Morgan peut-il être considéré comme un cinéaste d'animation au sens strict? Jonas Odell, le cinéaste suédois qui avait fait Revolver avec 3 autres types, dont j'ai oublié le nom il y a plusieurs années, donc a tourné une série de films à caractère film d'animation à caractère documentaire, Lies notamment, Never Like the First Time. Et il a le désir d'aller vers la prise de vue réelle, donc de transporter sa pratique de l'animation dans un cadre en prise de vue continue. Il y a véritablement un bouillonnement, et moi je trouve ça salutaire, donc que non seulement il y a une hybridation, mais aussi donc une transversalité, un passage décomplexé. d'un mode d'enregistrement de l'image à un autre. Antoine, on peut citer Jean-Pierre Jeunet. Il y en a plusieurs. Jean-Pierre Jeunet qui a commencé avec le court-métrage de l'anime, qui est allé vers le réel, mais qui a toujours inclus des scènes, des passages en animation dans tous ses films. Parce qu'il a toujours adoré ça. C'est pas du tout inhabituel, ça, c'est pas contre nature. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont incluses dans la pratique. De mélanger des images qui sont faites soit images l'une après l'autre, soit elles sont faites avec une machine. C'est l'animation, ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce qui est intéressant en vous écoutant tous, et puis c'est aussi l'idée de se débarrasser de la machine à enregistrer aussi. C'est-à-dire, moi je suis un homme, finalement, je veux. Mais quand tu parlais de contrôle, c'est ça aussi. C'est de se dire, voilà, je vais faire les images les unes après les autres, je vais les faire et je me débarrasse de cette machine sur laquelle j'appuie sur un bouton et qui fait les images à ma place. Il y a cette idée d'être le démiurge le plus total sur mon travail. Donc, et ça, c'est peut-être ce qui fait l'intérêt, enfin, c'est peut-être ce qui m'intéresse toujours, ce lien direct. Voilà, on ne passe pas par une machine, on passe directement, même si on utilise des machines aujourd'hui pour faire des images, mais on a ce lien direct vers l'image qui ne passe pas par une petite boîte noire. Et tu as nommé Félix Dufour-Lapeyrière tout à l'heure. Félix, c'est un cas intéressant. Bon, c'est un gars de Montréal, je le connais bien. Félix ne se considère pas comme un cinéaste d'animation, il se considère comme un cinéaste expérimental. Et même si un 2-3 crépuscule a été présenté ici en compétition officielle il y a peut-être 7 ou 8 ans, mais même si Félix fait beaucoup d'animation dans ses films, il passe aussi sans gêne à la prise de vue réelle, il se définit comme un cinéaste expérimental et non pas comme un cinéaste d'animation. Je devrais revenir là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelques années dans le cadre du Festival national du film d'animation qu'on organise avec l'Association française du cinéma d'animation. On avait fait une fois une rétrospective justement sur le cinéma d'animation expérimental et pour ça on avait fait appel à une association qui s'appelle Braquage qui est vraiment spécialisée dans le cinéma expérimental. Et c'était très étonnant parce que on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait des gens qui avaient une pratique et certains étaient catégorisés comme cinéastes d'animation et d'autres comme cinéastes expérimentaux. Et finalement, dans la pratique, c'était très proche, c'était juste un problème de positionnement. Et dans les films, on ne pouvait absolument pas distinguer ce qui relevait de l'un ou de l'autre. C'était juste un problème de champ d'action. Oui, et c'est aussi tout bêtement un problème de marché, c'est-à-dire dans quelle discipline, dans quel secteur. Est-ce que tu travailles est-ce que tu travailles avec des galeries ou tu travailles avec des cinémas? Et ce qui va faire bien souvent que des cinéastes, donc, qui ont des approches comparables, très proches l'une de l'autre, se rejoignent jamais dans l'histoire. Et ce qui nous amène par la suite, donc, à redécouvrir des cinéastes qui avaient, donc, qui étaient considérés à l'époque comme expérimentaux, mais qui faisaient pourtant de l'animation. À New York, cet hiver, au musée Guggenheim, il y avait une exposition formidable sur un collectif d'avant-garde japonais dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais peut-être que toi, Alexis, tu... Il y avait des peintres, des sculpteurs, des installations. Ça se voulait assez provocateur, assez radical, avec beaucoup d'humour noir. Enfin bref, je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai été étonné dans l'exposition de voir projeter un film d'animation peint sur pellicule, japonais, et en plus sur du fan footage, donc des images trouvées et délavées, ce qui est une pratique donc qu'on associe au cinéma underground américain des années 60, par exemple. Et là, on parle d'un film tourné au Japon dans les années 50. Et ça a été pour moi une découverte importante parce que je me suis dit, tiens, au Japon, à cette année-là, il y avait autre chose que ce que l'histoire du cinéma d'animation a retenu jusqu'à maintenant. Et c'est tout simplement parce que cet artiste appartenait à un collectif de associé aux arts visuels et non pas au milieu du cinéma. Et c'est aussi une partie de l'animation qui est intéressante, c'est la réappropriation d'images justement enregistrées que j'ai évoquées tout à l'heure, Antoine, et qu'on transforme dans un deuxième temps. Alors, on connaît tous le travail de Gianluigi Toccafondo, par exemple, dans ce sens-là, avec une rotoscopie très sensible, on va dire. Et c'est quelque chose qu'on voit. Et si, je me permets de citer l'exemple d'un film que j'ai produit, Mademoiselle Kiki, le film se termine par deux séquences où finalement on utilise de la vue réelle et qui ont un traitement qui est complètement opposé. C'est une séquence en peinture animée où elle utilise des images de films préexistants, mais finalement la distance créée avec la réalité est immense, on ne connaît absolument pas. les personnages sont juste évoqués, c'est on est vraiment dans l'évocation. Et une scène finale, rotoscopée de façon beaucoup plus terre-à-terre, quelque part, beaucoup plus réaliste. Donc, on voit que voilà, dans un traitement d'image, on peut être dans deux univers complètement différents alors qu'on parle du même matériau au départ. Alors, je voudrais montrer juste un extrait d'un film. Rapide. Pendant que tu cherches des... Juste que ça, combine, c'est comme quand on en avait parlé sur le documentaire animé, il y a une évolution des mentalités énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus gêné pour rotoscoper, pour chercher d'autres trucs très différents. La preuve, c'est que il y a quelques années, quand on voyait un film rotoscopé, tout le monde regardait ça avec des dents. C'est pas du dessin animé, il a recopié dessus. Enfin, aujourd'hui, on n'en est plus là. Quoi. On a vraiment dépassé ça. Est-ce que ça, alors voilà, on va regarder juste. C'est un film qui est peut-être passé à Clermont, non ? We Have Decided Not to Die. Oui, oui. En labo, mais c'est quand même quelque chose d'étonnant et qui mélange beaucoup. Alors, il y a quand même une histoire, il y a une volonté de créer en trois parties comme ça quelque chose, une réflexion. Je me rappelle d'un édito de Serge Bromberg qui m'avait choqué à l'époque. Non. Où, là, je ne te crois pas. Où il disait justement, l'animation est un état d'esprit. Et il y avait quelque chose d'un peu étrange dans cette phrase, un peu facile, un peu... allez, on dit ça rapidement. Et quelques années après, aujourd'hui, je me demande si le mot état d'esprit n'est pas toujours le bon, je pense, mais est-ce qu'en effet, il n'y a pas quelque chose comme ça ? C'est-à-dire que finalement, est-ce que l'animation, ce n'est pas une manière de créer les choses, comme on essaye de... Enfin, je ne sais pas si on essaye de le dire, mais comme on avance là, petit à petit dans notre dialogue, est-ce qu'il n'y a pas de ça ? Et donc, est-ce que ça, finalement, en effet... Ces frontières entre qu'on a mis, qui sont toujours importantes, mais des frontières, ça permet de définir et peut-être justement donc de partir sur autre chose. Hein. Ben voilà, on n'est pas sur un état d'esprit, en tout cas sur une manière de créer, qui est une manière de créer en animation. De l'animation. Antoine ? Ouais. Alors moi, je vais finir en racontant deux, trois blagues parce que j'aime bien rigoler. Je pense que si on se met au niveau du marché, d'animation, je crois que c'est un état d'esprit. Mais voilà, c'était déjà ça. Et donc, je suis obligé de partir parce que j'ai une signature. Je voulais juste dire que, en voyant ce film, ça montre une fois de plus que le cinéma commence au fond de la piscine. Pourquoi ? Parce que le cinéma, ça commence par CINE et le fond de la piscine, les derniers lettres de piscine, c'est CINE. Voilà. Wow. Merci. Merci à Antoine. Pour cette dernière partie, difficile toujours à rebondir dans ces cas-là. Je vais laisser Olivier faire. Olivier, est-ce que t'as des blagues ? Après qu'Antoine est complètement piraté, déstabilisé tout le monde. Voilà, partant de jolies manières en plus. Merci. J'en ai même oublié ta question. Presque moi aussi. Non, est-ce que ce mot qui n'est pas beau d'état d'esprit, est-ce qu'en effet il y a des gens, tu citais Amélie par exemple, par rapport à M. Clément Parnos, on parlait de Jasmine et Tito Anaïs par exemple, qui nous avaient fait tant de bien de voir dans le festival. Est-ce qu'en fait ce décloisonnement aujourd'hui, c'est juste on crée je reviens au début de ce que disait, et ce que dit Marcel Jean, ce que disait aussi Antoine tout à l'heure. Finalement, c'est un côté revenir à ce qu'on a dans la tête et qu'on arrive à placer finalement sur un écran directement, comme un lien direct. Ça dépend ce qu'on entend par état d'esprit. Par état d'esprit, on parle d'une fantaisie ou des choses comme ça, c'est peut-être un peu limitatif. Voilà. Mais il est clair que, mais c'est ce que je disais au début, pour moi, l'animation, ça relève d'une démarche, alors peut-être du coup d'un état d'esprit, de démarche de réappropriation du réel, et c'est là-dessus que ça se joue. Voilà, c'est pas juste. C'est jamais juste une captation du réel, mais c'est vraiment une démarche extrême de réappropriation du réel. Mais est-ce que c'est. L'état d'esprit, elle est là, on reconstruit un monde. Et à la limite. On retrouve ça chez certains cinéastes qui viennent de l'animation, y compris quand ils n'utilisent pas l'animation. C'est vrai que c'est perceptible dans pratiquement tous les films de Gondry ou de Terry Gilliam, ou justement Jeunet qui utilise lui souvent d'ailleurs des parties d'animation, ou d'autres. On voit qu'il y a cette volonté-là, même si c'est, par exemple, dans Jeunet, dans Amélie Poulain, il n'y a pas d'animation, je crois, mais il y a une espèce de reconstruction de la ville de Paris qui relève quand même d'une démarche d'un cinéaste d'animation. Marco, sur cette idée-là. En fait, on pourrait peut-être. On se retrouve dans une position un peu bizarre, c'est-à-dire est-ce qu'on doit abandonner une idée qui nous fait vivre professionnellement. C'est un peu suicidaire tout ça. Je pourrais tout bêtement. Bon, ça va. Peut-être pas brillant ce que je vais dire, mais on pourrait peut-être conceptuellement considérer que l'animation n'est pas tant une discipline que l'extrémité d'un spectre. Et la prise de vue continue ou réelle serait l'extrémité, serait donc l'autre extrémité de ce spectre. Et entre donc ces deux extrémités, ce qu'on retrouve, c'est l'hybridité. Et je pense que conceptuellement, ça pourrait être une façon donc, de penser ce qu'est l'animation aujourd'hui et surtout de l'ouvrir au monde des images en mouvement. Est-ce qu'on n'a pas loupé un coche dans l'histoire? Alors, c'est pas grave, mais c'est dans les années 20, avec notamment l'expressionnisme allemand et les surréalistes qui se mettent à faire du cinéma. Et est-ce que finalement, j'ai l'impression que les animateurs, l'animation, c'est du cinéma expressionniste? Parce que l'idée, c'est d'exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi et le mettre sur un écran ou en tout cas dans une œuvre d'art. Est-ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que là, il n'y a pas un lien direct entre l'expressionnisme des années 20 et le cinéma d'animation? Quelque chose qui est complètement dans l'hybridation totale, finalement, déjà à l'époque, quand on pense à Caligari et qui met des lettres, enfin des mots directement. Oui, dans l'expressionnisme qui relève effectivement de la démarche de l'animation. Et finalement, voilà, on peut peut-être accéder à un nouveau cinéma aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est complètement là, on part dans des. Un délire. Mais est-ce que l'impressionnisme, tous ces mouvements début du fin du siècle dernier, début du siècle, enfin 19e, 20e, en peinture, on y arrive peut-être enfin en cinéma. C'est-à-dire qu'on on aborde un autre rivage, tu parlais du spectre, est-ce qu'on arrive à un autre rivage finalement du cinéma en général? Ben, il me regarde. Je ne sais pas, je pense surtout que c'est... c'est en mouvement perpétuel, mais au-delà de l'expressionnisme, je pense que le cinéma muet a plus à voir avec l'animation quelque part que le début du cinéma parlant, c'est évident. Après, on explore un peu dans tous les sens, et puis il y a des gens qui sont un peu entre les deux dans leur démarche. Ils seraient horrifiés si on les qualifiait de cinéastes d'animation, si on les rapprochait de cet univers-là. Or, en fait, ils le sont un petit peu malgré eux. C'est pas tellement important, à limite. C'est pas grave. L'important, c'est que le spectre soit large, justement, et qu'on puisse aller. Qu'on puisse aller. Moi, j'adore aussi des choses qui sont très, très, très proches du réel. On peut dire aussi beaucoup de choses comme ça. Que tout existe et que ce soit reçu naturellement par l'ensemble du public qui aime le cinéma, c'est ça qui compte. Et le problème de l'animation, c'est plutôt ça, c'est que c'est qu'il a du mal à être perçu reçu, entendu par une partie du public cinéphile. Et ça va changer, il n'y a pas de problème. Il faut dire chez nous qu'on a une grande tradition du documentaire, notamment. Et la plupart de nos grands cinéastes, c'est moins le cas maintenant, là, mais la plupart de nos grands cinéastes, donc de prise de vue continue, c'est des gens qui viennent du documentaire. Alors le cinéma chez nous est pensé dans son rapport direct avec le réel et même dans la fiction. Ce qui, dans ces circonstances, entraîne une incompréhension de ce qu'est l'animation et qui pouvait d'ailleurs être vécu jusqu'à l'ONF, à l'ONF, car il y avait donc les cinéastes documentaristes ne s'intéressaient pas à ce que faisaient leurs collègues animateurs. Ouais. On parlait des cinéastes plastiques. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est les cinéastes documentaires s'intéressent. Et tout à coup, c'est ça. C'est ça. Et là, on se retrouve avec l'oxymore total, c'est-à-dire le cinéma d'animation documentaire ou le cinéma documentaire d'animation, où là, le cinéma est tout à coup replié sur lui-même, c'est-à-dire que donc on a les deux extrémités au sein d'un même film. On parlait des cinéastes plasticiens tout à l'heure, on parlait des expressionnistes. J'ai pensé tout bêtement à Frank Tashlin, c'est tout à fait autre chose, mais bon, vous savez que Tashlin était cartooniste chez Warner et il a tourné ensuite des comédies de prise de vue continue avec une des stars du burlesque, du slapstick américain, Jerry Lewis. Et ça, je montre d'ailleurs toujours un extrait de Who's Minding the Star de Tashlin à mes étudiants pour leur faire comprendre comment la gestuelle de Jerry Lewis est pensée comme une gestuelle d'animation. Et ça, je trouve ça assez formidable. Donc, mais évidemment, ça demande d'avoir une culture qui va au-delà de la prise de vue continue. Tashlin est vraiment un excellent exemple. D'ailleurs, Jerry Lewis est un acteur expressionniste d'une certaine manière. Tashlin est presque l'un des grands messieurs qui, finalement, a été dans les deux, qui a amené beaucoup de l'animation, finalement, dans la prise de vue réelle, plus dans une idée de comédie. Mmh. On peut penser aux Marx Brothers aussi, à une époque, en effet, donc dans le côté slapstick et le côté... humour. Alors, il y a ce fameux, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un texte, voilà, d'Hervé Jeuvel en 5, qui s'appelle Le cinéma d'animation n'existe plus. Je ne connais pas. Je pense qu'on est un petit peu, je te le passerai, c'est un grand texte qui est très intéressant, notamment au moment de la sortie de Valse avec Bachir. Est-ce qu'on est presque d'accord, même si en effet c'est un peu suicidaire de dire ça, parce qu'on est donc tous un peu spécialistes, enfin voilà, c'est un peu notre... si on se dit que le cinéma d'animation n'existe plus, si on dit qu'il s'ouvre à autre chose, est-ce qu'aujourd'hui c'est parce qu'aussi, comme je tentais de le dire en édito, le cinéma d'animation est dans nos vies réelles quasiment tout le temps, et cette virtualité amenée par les images de synthèse notamment, mais qui est tout le temps présente, de téléphones portables jusqu'à beaucoup plus, fait que finalement cette frontière, hein, un peu ce que je parlais, ce dont on commençait avec Woody Allen, entre l'écran, ce qu'il y a sur l'écran et ce qu'il y a dans la réalité, est beaucoup plus floue. Alors avant, c'était la prise de vue réelle, évidemment, puisque voilà. Et aujourd'hui, l'animation est, ben voilà, étant présente tellement dans nos vies que finalement, elle peut s'emparer du réel encore beaucoup plus facilement qu'à une époque. Elle n'existe plus comme un truc à part, un ghetto. Enfin, je pense que c'est ça ce que veut dire Hervé. Elle fait partie du cinéma. c'est une vraie question. Voilà, mais encore une fois, je me répète, c'est, à la limite, c'est pas très important, quoi. Peut-être que l'ARCA, la CIFA, ça n'existera plus parce que ça n'aura plus tellement de sens dans quelques années. Simplement, c'est une forme de cinéma, de même qu'on fait part il y a des gens qui s'occupent que de cinéma expérimental, mais le cinéma expérimental fait partie du champ du cinéma, y compris chez des cinéastes qui ne sont pas du tout des cinéastes expérimentaux. Tu vois, moi, je trouve ça très sain. Ouais. En revanche, moi, je m'occupe depuis 2 ans de former les comités qui vont donc sélectionner les films finalistes au prix Jutra. Le prix Jutra, chez nous, c'est l'équivalent de vos Césars, chez vous. Et donc, il y a une catégorie pour le meilleur film d'animation et on me demande de former donc un comité et donc de lancer, de faire appel aux cinéastes et aux producteurs pour que les films soient soumis et de faire un tri, c'est-à-dire de s'assurer que l'œuvre réponde aux critères. Et là, je me trouve dans la situation, c'est des contraintes professionnelles, je me trouve dans la situation de devoir définir ce qu'est un film d'animation. Et à certaines occasions, j'ai dû exclure certains films qui ne correspondaient pas à ce qu'est un film d'animation. Tout simplement parce que ce gars-là donc, remet un prix pour le meilleur film d'animation. Alors donc, je me trouve en parfaite contradiction avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi une autre réalité. Olivier, tu voulais réagir? Oui, tu veux pas venir former les gens pour les Césars. Il y a un exemple l'année dernière intéressant, c'est The Last Boss qui a été refusé en sélection à Annecy, sur l'idée que c'était pas un film d'animation et qui, quelques semaines avant le festival d'Annecy, reçoit le grand prix au festival de Stuttgart, festival d'animation. Voilà. Alors, c'est intéressant pour passer presque une dernière partie, je vais vous laisser la parole, mais la dernière partie, c'est que c'est. On est finalement dans une réflexion là qui est autre. On est d'accord. C'est-à-dire que le cinéma d'animation, il est large. On n'a pas forcément envie de le définir. On est obligé de le définir dans certains cadres. Mais, et c'est intéressant ce que tu disais sur The Last Bus. Est-ce que, donc, aujourd'hui, c'est plutôt le cinéma qu'on a envie, qu'on veut ? C'est-à-dire que l'important n'est pas finalement le cinéma dans sa technique, dans son genre, mais plutôt dans une réflexion plus sur le côté. J'emploie ce terme toujours avec auteur plutôt qu'à des films plutôt grand spectacle. C'est très caricatural hein, ce que je dis. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans ce combat-là? On en parlait hier justement avec Théodore, Florence et Jérémy. Est-ce qu'il n'y a pas ça? C'est garder une indépendance, garder de création. Et donc, c'est ça, le cinéma qu'on veut. Et c'est intéressant, sans forcément les opposer, bien évidemment, mais directeur artistique de l'année dernière, Serge Bonnard, en effet, refuse, enfin, tout le monde ne prend pas The Last Boss, alors que là, cette année, Marcel Jean, nouveau directeur artistique, le prend dans Animation Love Limits. Et on en avait parlé ensemble, je pense qu'il aurait même forcé pour prendre le film en compétition, peut-être l'année dernière. Oui, d'ailleurs, le film avait reçu un prix important à Ljubljana et Marcel Jean était au jury du Festival d'animation Animateca à Ljubljana. Donc finalement, est-ce que, pour donc, vraiment la fin de question, c'est le cinéma qu'on veut, qu'on recherche, qui est important pour nous, qui est l'enjeu, pas tellement en fait. Le mot animation, le mot prise de vue continue, etc. Oui. Oui. Donc comment on fait pour l'imposer? Puisque on en parlera avec Marcel Jean qui donc doit venir. On a quand même changé même au festival d'animation d'Annecy à 20h30. Maintenant c'est les longs métrages et plutôt les gros longs métrages qui font l'événement. On n'est plus dans le court métrage et qu'on sent quand même que l'équilibre ou la balance est difficile à garder. Peut-être pas à gagner, l'idée n'est pas forcément de gagner ce combat, mais en tout cas à conserver. Après, on parlera par exemple de l'ONF, mais ouais, Olivier. Mais si on arrive de temps en temps, alors le court-métrage, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Hein. Après, ça dépend. Évidemment, il y a des pays où c'est quand même très très compliqué. Enfin, il y a quand même suffisamment de pays où on arrive. Bon, le Canada, ça va commencer à devenir difficile, j'ai l'impression. Non. Bon, on arrive à produire justement des œuvres originales, on pousse à ça et ça va continuer. Après, si on arrive de temps en temps à avoir des longs métrages qui arrivent à explorer ces champs-là, et on en attend tous les ans malgré tout ainsi, et que ces longs métrages arrivent à toucher un public un peu plus large en dehors du festival d'Annecy, ce sera formidable, on va gagner des choses. Et quand on voit, là, je vois l'image de Vals avec Bachir, ce que a changé Vals avec Bachir, c'est étonnant. Finalement, l'impact qu'a eu ce film sur l'histoire de l'animation est absolument considérable. Ça, je ne sais pas si c'est aussi spectaculaire dans d'autres pays, mais pour nous, c'est impressionnant. Quoi. Le regard des autres cinéastes et du public a changé sur l'animation avec Vals avec Bachir. Alors, ce n'est pas le seul, mais Vals avec Bachir a changé beaucoup de choses. Donc finalement, c'est long, c'est dommage, évidemment, Antoine n'est plus là, c'est le long qui change des choses plus que le court. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup travaillé sur le court, beaucoup réfléchi sur le court, et finalement, là, aujourd'hui... En matière d'impact à long terme et sur un large public, c'est évident que c'est le long. Quoi. En France, on a quelques dates comme ça, on a Kirikou, on a Persepolis, on a Vals avec Bachir, à chaque fois, c'est des étapes décisives. Parce que Kirikou a laissé penser qu'on pouvait faire du long métrage d'animation en France quelque part et que ça pouvait marcher avec une alternative au cinéma américain. Persepolis parce que c'est la première fois et on voit très bien dans les études qu'on touche un public cinéphile bien au-delà de l'animation. Tous les triplés de Belleville. C'est moins pertinent, je pense. C'est aussi important, mais c'est moins décisif, à mon avis, que Persepolis de ce point de vue-là. Et pas ça avec Bachir, parce que d'autres cinéastes ont dit « je peux utiliser l'animation dans mon film, y compris quand je fais du documentaire. » Donc le long, Marco, serait, alors que on passe plutôt du court, je pense qu'au sommet au cinéma à Montréal et à Québec, tu passes plutôt du court que du long. Ouais, ben pour une raison toute simple, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des courts-métrages que des longs-métrages. Les longs-métrages, il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart, donc, sont distribués par des agences qui sont très, très, très exigeantes et qui ont des plans de mise en marché. Bon. Cela dit, effectivement, c'est intéressant, donc, ces dates qui ont été donc marquées par des films par ailleurs importants. Et il y a on sait, il y a de plus en plus de cinéastes de court-métrage qui souhaitent se lancer vers le long-métrage. Bon, il y a eu quelques exemples importants récemment. Il y a eu, par exemple, Adam Elliott qui a fait Mary and Max en Russie. Il y a eu Gary Bardine qui a fait Le vilain petit canard. Et c'est évident que pour exister d'un point de vue médiatique, il faut faire du long métrage. Parce que, on en parlait l'autre jour, le court métrage est très rarement analysé, commenté, discuté dans les médias, alors qu'avec un long métrage, on peut exister médiatiquement. Et donc, ça apparaît là donc, comme une sorte de nécessité pour les cinéastes d'obtenir cette reconnaissance par le biais du long métrage. En revanche, on peut présumer que les conséquences de cette visibilité rejaillissent sur le milieu de l'animation, sur le monde et sur la discipline dans son entièreté. Dernière question avant de vous faire réagir et peut-être de regarder le Félix Dufour-Lapierre pour faire un petit break de 6 minutes et après on reviendra pour là plus parler avec vous. Au niveau des, je reviens là-dessus quand même un tout petit peu au niveau des études, puisque à la fois tous les deux êtes professeurs, moi aussi je suis professeur, et j'ai toujours l'impression qu'il y a une vraie problématique quand même par rapport souvent, alors on reste des fois du corps enseignant ou même par rapport aux étudiants eux-mêmes, de leur dire mais voilà, il faut que vous soyez le plus libre possible, par exemple, par rapport à votre création. Alors, c'est vrai qu'on voit des gens comme Théodore Huchef. Et, on pourrait reparler aussi. Non, alors, pardon, je fais une petite parenthèse. Est-ce que ça va si mal? Est-ce que l'Angleterre, l'animation, ça va mal, le court-métrage? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu, et on reviendra sur ce que je voulais dire, sur l'éducation? Est-ce qu'au Canada, on a l'impression que l'ONF, c'est de plus en plus difficile de créer aussi? Est-ce que, quand même, justement, cette idée du court-métrage, on a de plus en plus de mal à créer dans le court-métrage, même si on peut encore, et qui va se reporter sur le long métrage? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Il y a beaucoup de questions. On commence par l'ONF. Est-ce que c'est difficile de créer aujourd'hui? Comme souvent. Merci, Olivier. Je suis assez étonné parce que, évidemment, l'ONF, comme plusieurs agences canadiennes, il y a un gouvernement conservateur actuellement au pouvoir chez nous, et ce n'est pas un gouvernement qui est particulièrement porté sur la culture et surtout sur l'idée de service public. Alors, l'histoire de l'ONF depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, c'est évidemment l'histoire d'une société qui a produit de grands films, mais c'est aussi l'histoire d'une suite constante de coupures. Et donc, l'ONF a dû subir des coupures également. Mais cela dit, il me semble qu'il y a toujours beaucoup de films d'animation qui sont tournés à l'ONF. Et bon, c'est pas par chauvinisme, mais je crois que les films de Chris Andrews et de Théodore Huchef, qui est en compétition, sont remarquables. Mais c'est sûr, bon, chez nous, l'ONF a toujours été historiquement le grand producteur d'animation, aussi bien au Québec qu'au Canada. L'ONF a presque toujours exercé une sorte de monopole sur la pratique de l'animation chez nous. Mais là, évidemment, j'exclus l'animation commerciale pour la télévision. Je parle d'animation d'auteur. Mais je ne sais pas si ça se déroule comme ça dans les autres provinces canadiennes, mais je peux dire au moins que chez nous, au Québec, on constate un intérêt, une production indépendante, plus abondante, plus soutenue. Alors, il y a des gens donc qui ont la volonté et le désir de faire des films d'animation hors ONF. Et évidemment, ces gens-là doivent pouvoir bénéficier d'un soutien. Bon, quelqu'un comme Steven Volochin, par exemple, n'a pas besoin de soutien parce que ses films coûtent très, très peu cher. Mais certaines sociétés comme la SODEC, donc qui est l'équivalent du CNC, mais la SODEC, c'est pour le Québec, donc commence à s'intéresser à l'animation et constate comment l'animation peut être un excellent ambassadeur culturel du Québec. Alors, moi, je trouve que c'est ça, comme programmateur de festivals et de cinémathèques, je le constate, ça se déroule plutôt bien chez nous. Donc, en fait, finalement, parce que ma question est, pour pour faire une vraie question, c'est que depuis quelques temps, c'est bien les réalisateurs disent eux-mêmes, et Paul Driessen, par exemple, disait, moi, à l'ONF, avant, je proposais un projet, il était pris. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on passe par la coproduction. Finalement, ce que nous, on pouvait voir comme quelque chose qui allait fragiliser la chose, au contraire, la renforce, puisque ça permet à des sociétés de production d'animation, finalement, de faire à la fois de travailler avec l'ONF, et peut-être de travailler seul pour faire d'autres films. Et donc, il y a en effet, ce qu'on voit cette année, un cinéma indépendant québécois, finalement, et canadien plus largement, plus fort qu'avant. Tu me demandes si le cinéma indépendant donc, oui, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire que l'idée de la coproduction aujourd'hui, parce que non, c'est quelque chose qui a été pendant longtemps, qui a pu faire peur, cette idée qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un film à l'intérieur de l'ONF quasiment en tant que seul producteur. Il faut avoir un coproducteur extérieur. Oh, je ne parle pas nécessairement ici de coproduction. Là, je parle d'indépendants qui travaillent à titre personnel, d'accord, à titre d'auteur. Et oui, dans certains cas, il y a des coproductions. Marie-Josée Saint-Pierre, notamment, achève actuellement un film qui est une sorte d'animation documentaire qui va s'intituler Jutras. Donc, d'après le cinéaste Claude Jutras, qui est par ailleurs l'acteur qu'on voit dans le film « Il était une chaise ». Donc, Marie-Josée Saint-Pierre, donc, coproduit ce film. Donc, c'est sa société de production à elle et c'est coproduit avec l'ONF. C'est peut-être des questions qu'il faudrait poser à des gens de l'ONF plutôt qu'à moi, parce que moi, je connais les films, je les aime beaucoup, mais des trucs de production et d'économie, ça je me connais moins bien. Mais, bon, évidemment, le fait qu'il y ait une production indépendante plus abondante au Québec ne veut pas nécessairement dire que les films sont meilleurs, bien entendu. Mais les films sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est stimulant. Et je crois que l'allègement des techniques permet donc à des cinéastes de faire des films dans des conditions plus modestes. Parce qu'on sait qu'à l'ONF, donc, les cinéastes donc, reçoivent donc, un salaire intéressant, ont de bonnes conditions. Bon, pour un indépendant, c'est plus difficile, mais néanmoins, l'allègement des techniques donc, permet à ce que un plus grand nombre de films voient le jour. Alors, revenons à ma question sur l'éducation. Comment on peut faire passer ça? Comment, alors que la plupart aujourd'hui des étudiants dans la plupart des écoles sont plutôt dans l'idée d'apprendre une technique, comme on disait au début, pour avoir du travail, ce qui est un peu normal. Comment leur faire passer l'idée de ce cinéma qu'on aime finalement, qui est plus large et qui n'est pas uniquement fait technique? Vaste question. Oui, puis ça dépend des écoles. Enfin, il y a des écoles qui sont là pour former avant tout des très bons techniciens de l'animation. C'est bon qu'ils aient aussi une culture artistique, une culture de l'image en plus, parce que on se rend compte que professionnellement c'est un plus et qu'a d'ailleurs souvent cherché dans les écoles françaises. Après, il y a aussi des écoles qui sont là pour stimuler la créativité. On est quand même dans une gamme de types d'écoles qui ont des démarches extrêmement différentes. De moins en moins. Par exemple, beaucoup d'étudiants sortant de l'ENSAD réclament plus de support technique, finalement, que ce qu'ils ont. L'ENSAD est un extrême en la matière. Et donc, c'est normal que les étudiants s'inquiètent de leur manque de bagage technique pour affronter la réalité de leur vie quotidienne. Les Gobelins étaient un peu à l'autre extrême. Au Gobelin, c'est l'autre sens, ça va dans l'autre sens. Les étudiants tirent vers le travail de création et l'école dit technique avant tout, l'image de l'école, l'animation, etc. Donc, c'est parce que on est un peu à deux extrêmes. Après, c'est aux étudiants de choisir en fonction de ce qu'ils veulent faire ensuite dans la vie, de choisir une école qui leur correspond. Marco, Québec, j'ai l'impression, là j'ai vu les films de Concordia l'année dernière, j'ai l'impression qu'il y avait plus une recherche plus, encore une fois, artistique d'auteur qu'il n'y a même pu avoir avant. Est-ce que des choses qui se passent au Québec, par exemple, et au Canada, a plus une réflexion sur le travail d'auteur? Pour toi, ça s'est fait plus longtemps? Dans les comme Olivier vient de l'expliquer, chez nous, il y a aussi différents types d'écoles. Il y a des écoles donc, qui forment des gens qui vont aller ensuite travailler dans l'industrie. Et il y a une école donc comme l'Université Concordia où on forme davantage des auteurs. Et c'est le cas, en fait, depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années. On sent donc vraiment un désir à l'Université Concordia de former des cinéastes, des auteurs qui vont ensuite donc briller dans les festivals. Mais en ce qui concerne l'enseignement, si je peux juste peut-être revenir sur le cours que j'ai donné cet hiver, que j'ai aussi donné précédemment. Donc, le cours Histoire de l'animation, c'est un cours qui est donné dans le cadre des études cinématographiques. Donc, c'est un cours théorique. Il y a beaucoup d'étudiants en animation dans mon cours, mais il y a donc aussi des gens ayant un profil plus théorique. Et j'insiste continuellement sur le fait qu'on ne peut pas résumer l'histoire de l'animation en se contentant de parler d'animation. Il faut toujours aller voir ailleurs. Alors, je fais constamment référence à la peinture, à l'architecture, à la danse, au cinéma de prise de vue réelle. Et, bon, c'est sûr que lorsque j'aborde, par exemple, le cartoon américain, c'est un cours bonbon. Les étudiants adorent ça parce qu'ils voient des Tex Avery, ils voient des Chuck Jones et c'est formidable. Mais lorsque j'aborde des trucs plus expérimentaux, lorsque j'aborde le cinéma d'animation abstrait, le cinéma d'avant-garde allemand, par exemple, des années 20, c'est plus difficile. Mais en même temps, je ne vais pas leur faire de cadeau. Et parfois, je les bouscule délibérément. Il me semble que c'est nécessaire. Parce que, bon, évidemment, si tu es théoricien, c'est nécessaire d'avoir un esprit critique, mais je crois qu'il est aussi nécessaire, quand on est artiste, d'avoir un esprit critique. Donc, la responsabilité, finalement, de ces étudiants, de ceux qui arrivent, comme évidemment par la suite, et est-ce que c'est vraiment une démarche avant tout personnelle? C'est-à-dire que, quelque part, l'école peut aider avec certains cours, mais que s'il n'y a pas la volonté vraiment personnelle de le faire, ça ne marchera pas forcément? Un bon enseignement, je pense, c'est rendre les gens curieux. Oui. Donc, c'est après, c'est une démarche personnelle. Oui. On peut ouvrir des portes, mais si, un mauvais enseignement, c'est d'annihiler la curiosité. Oui. Et cela dit, je ne pense pas que quelqu'un comme Théodore Huchet ait eu des cours en animation. Oui, non, je crois pas. Demander, mais non, c'est ça. Théo est essentiellement un illustrateur et un peintre avant d'être cinéaste d'animation. Donc, vraiment, cette idée de... démarche personnelle, par exemple, toi, Olivier, en tant que producteur, le fait que tu ressens ça quand quelqu'un vient vers toi avec un projet et tu dis, bon, là, il y a vraiment une volonté d'aller vers un cinéma, encore une fois, d'auteur, toujours avec ses grands guillemets, plutôt qu'il utilise l'animation. Mais parce qu'on en voit quand même pas mal, j'en ai encore vu, il y a des choses très jolies, mais des fois, j'ai vu en compétition, là, le film avec l'eau qui ensuite nous dit que c'est des histoires de la guerre d'Espagne. Oui. L'être, voilà. Oui, il y a pas même chose, on a l'impression presque, même si c'est très joli, que la technique est là vraiment purement. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on fait plus un film pour la technique d'animation que réellement pour créer une œuvre pour les gens, enfin pour qu'ils disent quelque chose de manière plus globale. Olivier Finalement, c'est quoi la question? Vous avez fini. La question, c'est est-ce que toi tu ressens ça? Est-ce que tu ressens le fait que quelqu'un vienne te voir en disant oh, j'ai un super projet parce que je vais animer de l'eau ou je vais animer des choses, ça n'a jamais été vu, tout à fait novateur, ou alors juste je porte un projet, aidez-moi à l'amener sur l'écran, quoi. C'est évident pour moi, il faut vraiment que je sente que le réalisateur porte le projet. Enfin, c'est. Surtout un court-métrage comme ça, si on sent que c'est un petit peu un peu en dilettante, ou même il n'y a pas vraiment un investissement très fort, on ne peut pas y aller, quoi. Et là, il y a à la fois une question de projet, il y a une question de personnalité qu'on a en face de soi. On sait qu'un court-métrage, ça va être long, ça va être souvent compliqué malgré tout. On ne va pas forcément toujours avoir le budget qu'on espérait. On va parfois se heurter à des problèmes techniques et tout ça. Donc, on est obligé d'avoir en face de soi quelqu'un qui a super envie, quoi. Et il arrive parfois que... Moi, ça m'arrive parfois des projets initiés avec des réalisateurs et puis on a du mal à monter le financement et puis ils se découragent. Mais finalement, peut-être c'est bien. Parce que peut-être qu'en faisant le film, peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'énergie d'aller jusqu'au bout. Si c'est un calvaire pour terminer un film, c'est terrible, quoi. On va vous passer la parole en attendant que Marcel Jean arrive. Et quand Marcel Jean arrive, on coupera le débat parce qu'il est dans un calendrier très chargé. Donc voilà. Oui, Marcel, le Dijouin, notre Marcel. Je voulais intervenir parce que je trouve que. Toi, Alexis, et puis un petit peu aussi le lien que vous avez quand même concernant les écoles, et un des propos que je trouve un petit peu excessif, notamment dans l'opposition, par exemple, Gobelin et Sade, même si de prendre ces deux écoles comme exemple, parce qu'elles sont effectivement positionnées de façon très différente et pratique pour développer un discours. Mais oui, mais je pense que les écoles, des écoles comme Gobelin, par exemple, ne se focalisent pas tant que ça sur les outils que les étudiants sont capables et s'approprient des outils assez facilement. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle outil. Oui. On va dire que, par exemple, à Gobelin, on consacre beaucoup de temps pour enseigner l'animation de personnages, différents styles d'animation de personnages, cartoon, réaliste, etc., le storyboard. Donc, d'une certaine façon, ce sont des outils, enfin, bon, je dirais plutôt des techniques. Mais la partie outils, et notamment l'apprentissage des logiciels, c'est quelque chose sur lequel on ne passe pas tant de temps que ça, et que les étudiants savent très bien s'approprier par eux-mêmes. Je pense par exemple à une manifestation que j'anime chaque année, où des étudiants doivent produire, réaliser 10 secondes, une séquence d'animation de 10 secondes pendant 3 jours. Et bien, certains étudiants profitent de ce moment qui est pourtant déjà une espèce de défi, raconter une petite histoire de 10 secondes exactement en 3 jours, pour choisir d'utiliser un logiciel qui, ou une technique d'animation, je parle du sable animé par exemple, qu'ils ne connaissent pas, pour justement faire un exercice et progresser dans ce domaine. Et à une époque où à Gobelin on n'enseignait pas la 3D, puisque c'est arrivé relativement tard pour l'ensemble des étudiants, ça a été un certain temps une année optionnelle, les étudiants donc, forment uniquement en 2D, rejoignaient des studios 3D et se formaient très rapidement à la 3D et devenaient de très bons animateurs 3D parce qu'ils maîtrisaient très bien l'animation. Donc il y avait cet aspect-là. Et puis pour terminer sur un autre aspect qui a été évoqué, sur le côté Gobelin formant des techniciens par rapport à des écoles formant plutôt des auteurs. Bon, je sais que le propos que tu as tenu n'est pas aussi caricatural que ça, mais en fait, moi je vois les choses un petit peu différemment. Effectivement, Gobelin est une école à finalité professionnelle, donc les étudiants travaillent en groupe, donc les films de fin d'études ne sont absolument pas des films d'auteurs. Mais après, chacun vit sa vie comme il l'entend, et on voit parmi les anciens Gobelins, certains qui effectivement sont de très bons techniciens, pour reprendre ton terme, dans des grandes structures, d'autres qui deviennent qui sont des auteurs, d'autres qui gèrent leur vie en mélangeant les deux, en arrivant à gérer les deux. Bon, par exemple, cette année, Hugo Bienvenue et Kevin Manac, le film Maman, ou Jean-François de Tom Ogoma et Bruno Mangiucou, ou dans des générations un petit peu plus éloignées, Nicolas Jacquet pour Le Chien, ou je prends en plus des choses. J'ai que Vélé dans la salle comme ça en plus. Ben voilà, exactement. Ben, je ne vais pas tous les citer. Hein, mais là, il est dans la salle. Donc non, mais Marcel, on est exactement d'accord. D'abord parce que je n'ai pas parlé d'outils, mais de techniques, effectivement. On y a parlé de techniques d'animation. Et effectivement, il sort des auteurs de l'école des Gobelins. Et c'est bien ce que je disais, c'est qu'il y a un désir des étudiants aussi de faire d'aller vers des univers d'auteurs. Et il y a eu des tentatives même de faire des films qui sortaient un petit peu de ce que demandait la direction de l'école. Et ça n'a pas été très très facile. Et effectivement, ça fait des années que régulièrement on voit des gens qui ont envie d'aller vers de la création alors qu'ils peuvent alterner. Et justement, c'est formidable. Ils ont une maîtrise des techniques de l'animation et notamment de l'animation par elle-même qui leur permet toute liberté. Ils peuvent aussi bien travailler comme animateur sur un truc où on leur demande de faire un travail très, très précis. Et puis à côté, ils peuvent faire un court-métrage. Voilà, et c'est formidable. Oui, non, en opposition, mais c'est la démarche de l'école qui n'est pas la même. Alexis, de façon un petit peu trop. Alors je vais dire, dans Marcel, l'école est comme là. Très bien pour conclure. Ce que je trouve très bien justement en France aujourd'hui, contrairement à une situation à 20 ans par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles en France et chaque école a effectivement une spécificité, ce qui permet aux étudiants, s'ils connaissent bien les écoles, de choisir celle qui leur convient le mieux, et même s'ils ne le font pas, après chacun peut vivre sa vie s'il est allé dans une bonne école et qu'il a acquis, qu'il a été suffisamment armé en culture artistique, technique et aussi méthodologique. Enfin, apprendre ce que c'est qu'un budget, des délais, travailler en équipe, etc. Alors, soyons clairs, parce qu'en effet, tu me disais, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est ce que je demandais à la fin en disant, est-ce que c'est le cinéma qu'on veut qui est important ? Je pense qu'aujourd'hui, les écoles ne se positionnent pas suffisamment par rapport à un cinéma qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a laissé dans le flou pendant longtemps, et qu'en effet, les Gobelins laissent dans le flou, comme l'ENSAD et comme la Poudrière, comme toutes les écoles aujourd'hui, de ne pas se bloquer, de se dire, on ne sait jamais, si on a un auteur qui arrive, il ne faut pas complètement le brimer. Il n'empêche qu'aujourd'hui, aucune école n'apprend le scénario, sauf la Poudrière dans des exercices, que les cours, je peux le dire, c'est-à-dire en première année, par exemple, d'histoire du cinéma sont enlevés pour l'instant aux Gobelins. Beaucoup de cours vont devenir optionnels. Ce n'est pas les Gobelins, la Poudrière, Supinfocom, on a des profs de Supinfocom ici au Rubica maintenant. Il y a aussi une réflexion par rapport à ça pour doubler les effectifs, donc plus pour aller vers aussi une. Donner un peu à l'industrie hein, de la main-d'œuvre, ça peut être de la très bonne main-d'œuvre, hein, ça peut être sur les très bons longs-métrages, c'est pas une question. Mais il y a toute une réflexion aujourd'hui, je trouve, par rapport aux écoles, qui est moins dans l'idée de l'auteur qu'avant. Et c'est vrai que c'est des démarches personnelles. Les gens au Gobelin, à la Poudrière, encore une fois, l'idée n'est pas de critiquer les Gobelins ou à l'ENSAD. Le collectif Babouchka, c'était intéressant, c'est d'un seul coup essayer de se protéger par rapport à l'idée d'auteur, par rapport à ce qui est au monde extérieur. Et s'ils ont créé le Babouchka, c'est avec plein de gens dedans, pas que des gens d'animation, parce que justement l'ENSAD ne leur permettait pas en sortant d'avoir un boulot. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup d'angoisse en sortant, et ce collectif leur permet finalement de... Voilà, mais c'est personnel, c'est pas l'ENSAD qui crée ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne veux pas me dupliquer la parole, mais... Je trouve tes propos un petit peu excessifs. Parce que, par exemple, il y a des étudiants, de plus en plus, les étudiants qui ont fait le Gobelin ont déjà fait des études de cinéma, d'animation ailleurs, donc il y a des choses qui ne sont pas à reprendre. Bon, évidemment qu'ils n'auront jamais assez de cours de cinéma, d'animation, de cinéma. Bon, enfin, mais je veux pas me Ce que disait Marco, hein, c'est pas que le cinéma, ce que disait Marco, ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait, c'est aussi de parler. Ils ont beaucoup, par exemple, au niveau de la culture de l'image, beaucoup d'étudiants, et en animation, moi c'est ce qui me gêne d'ailleurs, en animation on a la culture de l'image dessinée, peinture, ça on a. Mais par exemple, en effet, connaître de la musique, connaître le cinéma de prise de vue continue, connaître la littérature, écrire un scénario, passer du temps à écrire un scénario, c'est-à-dire que c'est compliqué, finalement reprendre en storyboard, etc. Et de jouer entre ces outils qu'on peut avoir. Là, je prends l'outil de l'animation. Moi, je trouve ça passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, c'est peu souvent fait. On a cité deux écoles, on peut encore une fois en citer plein, je trouve, et c'est de moins en moins fait. On va avoir des réactions d'étudiants. J'en vois qui boue là-bas. Donc, je vais peut-être juste rebondir sur ce que tu disais, mais je pense que. En effet, c'est important d'avoir un background dans toute la culture avec la peinture, l'architecture et tout ça, parce que ça aide et ça nourrit notre curiosité et ça va nous donner des idées pour après pour nos films et tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Enfin, à ce moment-là, il faudrait faire un doctorat en anime, quoi, pour avoir la culture cinématographique, la technique et la réelle, un langage cinématographique, quoi, je pense. C'est pour ça que l'important pour moi est le positionnement. J'espérais encore une fois, moi c'est un plaisir, enfin c'est pas, je suis prof et j'avais espéré que le récap permette ça. C'est un positionnement des écoles pour dire voilà, on va vous apprendre ça, mais bien évidemment, grâce à une démarche personnelle, vous pourrez aller vers autre chose. Mais que les écoles au moins soient un petit peu plus claires. Et tu le sais, puisque Thibaut est des élèves à l'ESA par exemple, je pense aussi au niveau des DMA, je pense au niveau des Gobelins, de l'ENSA, de l'MK où je travaille aussi, où c'est des fois un petit peu flou. Donc c'est pas une critique, c'est juste de dire, voilà, on a un positionnement, on va dans une école pour faire ça, mais il y a une petite fenêtre qui nous dit, ah, vous avez aussi la possibilité de faire ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans le flou, dans beaucoup de ces écoles-là. C'est un peu ce que je tentais de dire. Maintenant, on va donner la parole à un élève des Gobelins qui meurt d'envie de parler. En une remarque, ce sera assez court. En fait, en 3 matins et demi, j'ai appris plus que les réflexions que j'ai pu avoir dans 2 écoles que j'ai faites, donc le lycée technique des arts et des métiers à Luxembourg et Gobelin en 1 an et demi. Voilà. Pour l'instant, c'est un cas particulier. Chacun pourra parler pour lui-même. Et il y a effectivement une problématique qui est assez quand même compliquée à régler, c'est que souvent, nous, on a un œil tourné uniquement dans le long métrage, et le long métrage qui donne du métier. C'est-à-dire, Jasmine, c'est super chouette. Pas en ville, ça a été dit. Et donc, Donc, on est assez loin de cette réflexion, en tout cas à Gobelin, auteur. On essaie juste de penser des films avec nos petits moyens. Et nous, on aime aussi la maîtrise du médium. Donc, les derniers films qu'on a vus, il y a une excellente maîtrise. Mais souvent aussi, on est face à une incompréhension. Comment est-ce que, quand on regarde des films de sélection, il y a une maîtrise du médium aussi faible, pardon, cru. L'idée de ce débat, encore une fois, Marcel, n'était vraiment pas de t'attaquer ou pas attaquer. Ça, c'était vraiment à ce coup de. Je pense que c'est ce qui est intéressant avec l'animation, la suite que j'ai voulu donner, c'était encore une fois de peut-être plus se positionner vers un genre de vers un style de cinéma qu'on aime et voilà, qu'on a envie de peut-être de voir sur les écrans. Entre l'idée n'est jamais de mettre Félix Dufour-Lapeyrière contre. Je sais pas moi, un auteur qui serait un auteur grand spectacle, on va dire, ce genre de choses. C'est que tout peut exister et que les écoles, on va pas faire le débat sur les écoles, mais que les écoles peuvent permettre ça finalement et d'avoir cette pluralité dans le terme animation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, je vais faire parler des gens. Tu le disais l'autre jour, pourquoi savoir forcément dessiner et animer comme un dieu pour faire un film? Il peut y avoir un très bon film, on en a vu en sélection. Qui peuvent être très bons dans leur narration, la réalisation, et assez faibles, entre guillemets, dans leur animation. Et c'est, je pense, pas un problème primordial dans certains films. Je reprends la parole après, à Marcel, évidemment, si tu veux, mais... Ok, Gilles, sur tout ce qui a été dit ce matin, donc Gilles Cuvelier, Papy 3D, Studio Crintrin, il a fait les Gobelins, et aujourd'hui, il est plutôt créateur de courts-métrages d'auteur. Je n'ai pas assisté au début de la conférence, donc je ne pourrais pas rebondir vraiment. Moi, j'ai fait le premier DMA en France à Roubaix, à Dessat, et j'ai enchaîné sur les Gobelins après. Et j'ai pris tout de suite une voix dans le court-métrage d'auteur, on va dire. Je sais que cette démarche d'auteur est avant tout une démarche personnelle. C'est pas une école qui t'apprend à devenir un auteur. Elle peut te donner des outils, elle peut donner des... quelques clés, une technique, mais c'est une envie personnelle avant tout. Donc ceux qui veulent être techniciens, ils le seront, et ces écoles sont là aussi pour ça. Voilà. Et alors il se trouve que j'enseigne un peu en DMA maintenant, et aussi à Superfocom. Et voilà, on sent les élèves qui ont une fibre et qui ont potentiellement les chances de devenir réalisateurs. Pas forcément de long métrage, de gros long métrage, mais en tout cas de court métrage ou de réalisateur au sens large, on va dire. Donc ça, on en voit, mais c'est pas tant que ça non plus. Voilà, je pense qu'il y a assez d'écoles pour choisir l'école qui nous convient, effectivement, qui a un spectre assez large. Voilà, ça c'était pour les écoles. Et en ce qui concerne la définition de l'animation et la prise de vue continue, il se trouve que. Avec Franck Dion, on prépare un long métrage, et que la question s'est posée, puisque là on va aborder la question du financement, des dépôts de dossiers, de savoir si on allait se présenter en tant, enfin présenter le film en tant que film d'animation ou non. Puisque nous, on mélange effectivement, enfin, on va essayer en tout cas de mélanger animation et prise de vue continue, pour reprendre ce nouveau terme à la mode. Et encore hier, on en discutait, et finalement, on va, pour des raisons aussi stratégiques, se positionner en tant que film d'animation. Parce que c'est cohérent vis-à-vis de notre parcours et tout ça. Mais c'est vrai que à mon âge, on ne me pose plus vraiment la question de l'animation ou non, en fait. L'idée est de faire un film, et quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est une partie du débat qu'on n'a pas dit, mais qui est passionnant, en effet. On a beaucoup parlé de théorie, de plein de belles choses, enfin voilà. Mais de manière très concrète, c'est vrai que les cinéastes qui switchent un petit peu, par exemple, sur le cinéma de prise de vue réelle, qui mélangent, au CNC, par exemple, ils vont vers quoi? Ils vont même en court-métrage, par exemple, quelqu'un qui aurait 55 ans, par exemple, tu pourrais nous répondre aussi, Marco, par rapport au Québec, mais au CNC, ils ont 50% animation, 50% prise de vue réelle. Ils vont vers quoi? Bon, court-métrage, c'est un peu mélangé. On ira plutôt plus facilement vers l'animation, parce qu'on sait qu'il y a moins de, projets en animation, et puis que de toute façon, l'animation, ça devient un objet étrange pour les lecteurs qui ne connaissent pas l'animation. Un documentaire animé, par exemple, ou même s'il y avait 50 ou même les deux tiers du film en vue réelle, moi je conseillerais plutôt d'aller vers l'animation, parce que ça, encore que c'est peut-être en train de changer. Mais ce serait tellement un objet exotique pour les lecteurs, enfin pour un certain nombre de lecteurs, que ça poserait problème. Mais moi, il m'est arrivé, par exemple, de déposer un projet au CNC qui était 100% animation, mais qui était vraiment très, on va dire, dans l'expérimentation, en film expérimental, on peut dire ça. On m'a dit, mais on ferait peut-être mieux en film expérimental. Donc, je ne sais pas. Marco, est-ce qu'il y a cette... cette réflexion-là aussi. Comme je le disais tout à l'heure, chez nous, bon, il y a l'ONF qui est un producteur qui possède un savoir-faire immense dans le domaine de l'animation. Mais au-delà de l'ONF, donc, il y a des agences, SODEC, Téléfilm Canada, etc., qui ont des programmes de soutien à la réalisation, mais il n'y a pas de soutien particulier à l'animation. D'accord. Chez nous. Il n'y a pas de politique ciblant spécifiquement à l'animation. C'est-à-dire que tout le monde est dans le même bateau. Alors donc, si tu veux faire un film d'animation ou un film de prise de vue continue, Antoine Lopez a fait une révolution et réussi à imposer cette expression. Alors donc, si tu veux faire un film d'animation, un film de prise de vue réelle, un court-métrage, tout le monde donc soumet au même programme. Le problème, c'est que tout le monde est ensuite soumis aux mêmes contraintes. Et on sait que pour un cinéaste d'animation, les contraintes ne sont pas les mêmes, notamment la façon de présenter un scénario, la façon de présenter un storyboard. Le cinéaste d'animation a besoin d'images, le cinéaste de prise de vue réelle, pas nécessairement en rédigeant son script. Donc, si bien que finalement, la problématique chez nous ne se pose pas, dans la mesure où il n'y a pas de programme particulier pour l'animation. C'est un problème parfois. On passe à la numérisation des dossiers, alors on n'est plus obligé d'imprimer des dossiers papier, on les télécharge sur le site du CNC et tout ça, ou des régions. Le problème, c'est que quand on s'adresse à des guichets qui ne sont pas des guichets animation, ils vous disent okay, vous pouvez télécharger un document, il faut que ça fasse moins d'un méga. Donc c'est juste impossible. On ne peut pas mettre une seule image, ou pratiquement. Enfin, ça va être un nouveau blocage qu'on n'imaginait pas. Marcel Jean arrive. Merci beaucoup. On va donc en. Est-ce que tu veux que ça se passe? Non, Marcel va se mettre là. Oui. Cocorico. Salut Marcel. Merci beaucoup, Marcel, de venir, je sais, dans un emploi du temps super chargé avec le départ du bateau dans pas trop longtemps. On était dans un grand débat, alors. On a des bonnes lectures, mais on est dans un grand débat, donc comme tu sais, ce matin, c'était, je vais te faire rapidement réagir là-dessus, sur donc cette idée d'image par image, comme aujourd'hui, comme technique et comme animation, finalement, comme quelque chose... Alors, on n'arrivait pas à trouver le terme, pas un état d'esprit, mais quelque chose qui ne soit pas que de l'image par image. Et l'idée des gens, je montrais un extrait de « We have decided not to die », et on partait évidemment de l'Animation of Limits, et de se dire, qu'est-ce que l'animation aujourd'hui? Actuellement, voilà, en 2013, est-ce qu'on peut la définition a complètement changé, même par rapport à ce que tu parlais toi dans ton livre Langage des lignes. C'est un livre qui a presque 20 ans, donc on peut le faire boire maintenant. Je pense qu'effectivement la situation a très largement évolué depuis qu'il a été publié. Quand j'ai programmé ici, il y a quelques années, quand l'animation rencontre le vivant, et puis cette année, Animation of Limits, c'était dans le but de poser des questions davantage que d'amener des réponses définitives. Parce que je me dis que l'animation, le concept même de cinéma d'animation, qui est un concept assez récent, repose sur des bases qui ont été très vite, de toute façon, caduques et qui, je crois, conceptuellement aurait pu être remise en question d'emblée. Ne serait-ce, c'est l'exemple le plus facile, ne serait-ce qu'à cause de l'emploi fréquent, systématique de la rotoscopie, qui était déjà quelque chose de très problématique par rapport à une définition très restrictive de l'animation. Et quand on élargit et qu'on observe, par exemple, la trajectoire de Tim Burton, qui est un cinéaste assez exemplaire dans la mesure où il est tout d'abord un animateur formé et qui évolue dans le cadre, ce qui serait le plus proche de la Mecque de l'animation, c'est-à-dire entre les murs de Disney, et qu'on observe l'évolution de Burton quand il passe à la prise de vue réelle et qu'il contribue à un renouvellement extrêmement important du cinéma prise de vue réelle, avec d'autres d'ailleurs, et je vais citer déjà Terry Gilliam là-dessus, qui lui aussi est quelqu'un qui vient de l'animation. Et quand on regarde Burton aujourd'hui et qu'on analyse son œuvre, je pense en particulier à un film comme Charlie and the Chocolate Factory, Charlie et la chocolaterie, la référence qui saute tout de suite aux yeux, ce n'est pas une référence d'animation, c'est Méliès. Méliès qui nous ramène à l'idée de fantasmagorie, à l'idée d'émerveillement, à une relation à l'image qui n'est pas une relation, qui n'est pas tant une relation narrative qu'une relation purement d'émotion face à une représentation d'ordre, appelons-la, pictural, faute de mieux. Donc, Méliès, pour moi, devient la référence pour juger, pour discuter du travail de Tim Burton. Et Méliès, c'est quelqu'un qu'on revoit aujourd'hui. Et c'est amusant de penser que mon prédécesseur ici à Annecy, Serge Romberg, est quelqu'un qui a évolué dans le milieu de l'animation, mais qui a toujours été, je dirais encore davantage qu'attaché à l'animation, attaché au cinéma des premiers temps, attaché à Méliès. Il a fait un travail absolument remarquable, d'ailleurs, autour du voyage dans la Lune. Donc, il y a quelque chose dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma d'animation, l'histoire du cinéma d'animation, qui constamment nous renvoie ou nous ramène au cinéma des premiers temps. Et Marco, qui est ici, avait fait un texte dans le livre « Quand cinéma d'animation rencontre le vivant », dans lequel, justement, cette relation de l'animation au cinéma des premiers temps. Puis, pensons à Zbigniew Brzezinski, par exemple. Zbigniew Brzezinski, Tango, on est là encore dans une sorte de court-circuit qui nous ramène au cinéma des origines. Alors oui, justement, tout à l'heure, on en parlait, dernière petite question par rapport à ça, c'est que quand on pense de Méliès jusqu'à l'expressionnisme allemand, je parlais de l'expressionnisme allemand qui était pour moi très animation, en fait, hein, dans une réflexion d'animation, est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé de Kirikou, qui a une date importante en France notamment, mais on a l'impression qu'on est presque au début, puisque le long-métrage est une des choses les plus importantes au niveau des médias, qu'on est presque à un renouveau du cinéma d'animation. C'est-à-dire que Kirikou, c'est les années 90, je compte souvent, une vingtaine d'années, finalement, c'est à peine Cabiria dans le cinéma prise de vue continue ou réelle, c'est à peine Eisenstein, on n'est pas encore, Griffith commence. Est-ce que, finalement, alors qu'on a pourtant beaucoup, beaucoup travaillé sur le court-métrage, là, l'animation, il y a un renouveau, il y a un nouveau souffle, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans le monde de l'animation, avec plein de gens qui utilisent, on voit de plus en plus au Frénois ou dans des musées comme ça, de gens qui utilisent l'animation pour de l'art contemporain. Est-ce qu'on est dans quelque chose de nouveau? Toi, tu ressens ça ou... Ce que je n'arrive pas à évaluer, Alexis, c'est la nouveauté de ça. J'avais vu sans aucun doute facilement que, qu'il y a un phénomène et qu'il y a effectivement un paquet de choses qui se passent. Et tu viens de citer le Frénois, qui est pour moi un excellent exemple. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les moyens de l'animation au Frénois, qui parfois ont un bagage qui tient compte de l'histoire du cinéma d'animation, et parfois pas du tout. Parfois, ils viennent de l'art contemporain, ils viennent de la peinture, ils viennent de la performance, ils viennent de l'installation, et ils abordent l'animation avec une sorte de, appelons ça, choisissez le mot, de naïveté, fraîcheur, spontanéité, selon que vous vouliez avoir utiliser une connotation qui soit péjorative ou pas. Mais bref, ces gens-là abordent l'animation d'un tout autre angle. Les techniques, devrais-je dire, ou les codes relatifs à l'animation, selon toutes sortes d'angles. Et on compose dans le milieu du cinéma d'animation depuis déjà, quoi, 20 ans, avec l'œuvre d'un géant qui a une relation très, très problématique à l'animation, qui est William Kentridge. Mm-hmm. William Kentridge, qui, au départ de sa carrière, un grand artiste sud-africain, qui, au départ de sa carrière, soumettait ses films dans les festivals. Je me souviens avoir vu au moins deux films ici à Annecy, dont un en compétition, je crois que c'était en 2000. Félix in Exile, non? Le dernier, c'était pas Félix? Non. Je ne sais plus lequel c'était. Le dernier, c'était en 2000. Je ne me souviens plus lequel c'était à l'époque. Mais bref, j'ai essayé à quelques reprises, quand je programmais pour d'autres festivals au cours des dernières années, de montrer les films de William Kentridge avec une fin de non-recevoir. On m'a dit, Monsieur Kentridge ne montre plus ses films dans les festivals d'animation. Alors qu'il est passé à la Poudrière, alors qu'il a quand même donc une relation qui est assez problématique. On voit aujourd'hui le cinéma d'animation chinois, le cinéma d'auteur d'animation chinois, qui connaît un essor important. Il y avait 3 courts-métrages chinois en compétition cette année ici. C'est du jamais vu. Parmi les artistes, donc Ian Wong, qui est un peintre, Lélé, qui est pas un peintre, mais qui est un artiste graphique. Et l'an dernier, on avait un film de Sun Sun, qui est un cinéaste qui était complètement méconnu ici, mais qui a une œuvre, sans doute le secret le mieux gardé de l'animation contemporaine, puisqu'il a réalisé quoi, une vingtaine de films. À peu près 2h30 de films depuis la fin des années 90. Et que, mis à part à Utrecht et dans quelques festivals, on ne voit pas ces films. Et tout ce cinéma d'animation contemporain d'auteurs chinois, c'est un cinéma qui arrive à un degré d'expression très libre et très audacieuse, et avec des prises de position politiques parfois extrêmement surprenantes pour nous occidentaux, parce qu'on se dit toujours qu'il n'y a pas moyen de parler librement en Chine. Mais oui, il y a moyen de parler librement, à condition de s'inscrire dans un système qui, lui, est... quand je dis librement, bon, c'est un peu comme librement dans certains paramètres, mais à condition de s'inscrire dans un système qui, lui, répond à des, je dirais, à une codification précise, à des justifications précises à l'intérieur du système politique chinois. Et le système politique chinois, c'est le capitalisme maintenant. C'est un capitalisme tel qu'on ne le connaît pas ici, et probablement tel qu'on ne l'a même jamais connu en Occident, de sorte que, comme l'art contemporain se vend, comme économiquement ça justifie, les artistes chinois arrivent à faire des films qui peuvent être assez critiques, à condition que ce soit dans ce milieu-là qui se tient. Et Yang Wang nous disait, j'ai eu une seule projection en Chine dans une salle de cinéma et on n'avait pas vendu de billets. Alors qu'il disait, oui, mes films sont vus assez librement dans les musées, dans les galeries, etc. Alors, il y a toutes sortes donc, d'activités périphériques à ce que serait l'institution traditionnelle du cinéma d'animation. Tout à l'heure, on parlait de cinéma qu'on veut et de se battre pour un cinéma ou d'auteur ou de grand spectacle. On sait à quel point Annecy est devenue cette espèce de maelstrom entre les deux. Très compliqué, on parlait de cette séance de 20h30, cette fameuse qui était avant 21h, qui était plutôt du court-métrage, maintenant qui est plutôt du long. Est-ce qu'il y a une volonté, reprenant là, le Festival d'Annecy, enfin en tant que directeur artistique, de mélanger toujours tout ça et d'être toujours très attentif à cet équilibre, même dans au niveau de la compétition, d'avoir des films, un film moldave, d'avoir un film, des films de, qu'on ne connaissait pas forcément, de pays qu'on ne connaissait pas dans le monde de l'animation. Je pense qu'on a des responsabilités à Annecy, qui, Marco, qui est lui-même directeur de festival, n'a pas. Et que d'autres directeurs de festival, je pense qu'il y en a ici dans la salle, n'ont pas non plus. C'est-à-dire qu'étant les plus gros, on est, étant ceux qui ont le plus de moyens, étant ceux qui ont le plus de public, et ça, bon, je l'ai dit sans vantardise ou forfanterie quelconque, puisque c'est tellement évident qu'il y a un plus gros festival d'animation qu'il n'y a pas lieu d'en discuter, que ça nous positionne d'une façon à ce que on doit être le reflet, et aussi c'est lié à toute l'organisation d'Annecy, c'est-à-dire c'est un festival qui est accompagné d'un marché du film, d'un MIFA, qui est accompagné d'une série de conférences professionnelles dans lesquelles il y a une série de manifestations, les work in progress par exemple. Donc bref, tout cela, tout ce qui compose la constellation, disons, du Festival d'Annecy, ça nous place dans une situation où on doit préserver les équilibres. Je sens, moi, et ce n'est pas du tout une pression qui me vient de la CITIA, de Patrick Evenot, de Tiziana Loski, de Michael Marin, c'est pas Dominique Puteau, c'est pas du tout ça, mais je sens, parce que c'est Annecy, parce qu'il y a ici 7000 personnes qui débarquent à chaque année, le devoir d'offrir une sorte de polaroïde, hein, de l'état de l'animation. Alors, je ne peux pas, comme Marco va le faire, ou comme Chris Robinson va le faire à Ottawa, il y a un festival à Ottawa, on sait très bien où on va quand on va à Ottawa. On sait que c'est teinté Chris Robinson, et que c'est sans... on dirait sans concession, mais le mot concession n'est pas, parce qu'il a une connotation péjorative très forte, c'est pas le mot idéal. Tandis qu'ici, pour moi, le maître mot, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre les formats. Premièrement, on est le seul festival qui a à la fois compétition de cours, de long, de films de commande, de télévision, de films étudiants, donc on n'a pas de spécialisation là-dessus. Et partant de là, quand on aborde la sélection, il s'agit de s'asseoir, il s'agit de commencer par sentir ce qui se passe. Regarder les films. Et à un moment donné, le fruit est mûr, et là on se dit on peut commencer à sélectionner parce qu'on comprend dans quel environnement on évolue. Et c'est ça. Donc, je veux l'aborder avec cette volonté. Puis oui, l'équilibre, c'est le maître mot. Et donc, ça veut dire aussi parfois rétablir les équilibres. Et je considère, sans que ce soit un jugement intempestif ou qui cherche donc à susciter la polémique, je considère que les équilibres n'ont pas toujours été au rendez-vous au cours des années récentes, pour un paquet de raisons. Mais par exemple, cette année, beaucoup de gens sont venus me voir pour me féliciter d'avoir mis en compétition, en sélection, davantage de films expérimentaux, davantage de films de recherche. Beaucoup de gens sont venus voir des gens de mon entourage pour les engueuler parce que j'avais mis trop de films. Ah oui, je savais pas. La mécanique, c'est pas de la même manière. C'est pas à moi qu'on vient... Il faut... Peut-être qu'on va fermer ça. La mécanique, c'est les gens qui ont des choses à vous reprocher, souvent, c'est pas à vous qui le font savoir. Mais bref, il y a eu des surprises cette année. Il y a des festivaliers qui n'ont pas... vu le festival, qui n'ont pas rencontré le festival qu'ils avaient l'habitude de rencontrer. Pourquoi? Parce que justement, j'ai voulu rétablir les équilibres. Est-ce que ça a été fait habilement? Est-ce que ça va être exactement de cette manière-là que ça va s'opérer pour la suite des choses? Peut-être pas. Ça fera partie du bilan. Il va falloir réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'il va continuer d'y avoir des films de recherche, des films expérimentaux ici? Oui, ça, peut-être. Mais il y a suffisamment d'offres et de séances dans le festival pour que chacun y trouve son compte. Je réponds la même chose à mes amis qui me disent il y a trop de longs-métrages, les longs-métrages sont trop commerciaux, et patati patata. Premièrement, les longs-métrages sont trop commerciaux, c'est pas moi qui les réalise. Alors donc, c'est pas moi qui les produit non plus. Alors, nous avons une compétition de longs-métrages, nous sélectionnons à partir de ce qui nous est soumis. Je crois pas que Jasmine soit un film éminemment commercial. Donc, il y a un peu de tout. Encore là, on essaie d'offrir un reflet de la situation. Et ensuite, y a suffisamment aussi de programmes de court-métrage pour que quelqu'un qui ne veut pas voir de long-métrage, qui considère ces deux mondes, puisse les éviter. On programme davantage de films aujourd'hui à Annecy, alors qu'on présente 30 longs-métrages, on programme davantage de courts-métrages qu'on en programmait dans les années 90, à l'époque où il y avait un festival aux deux ans. On parlait de Jasmine, de Tito Anaïs aussi, et du bien même que ça nous avait fait. On parlait avec Marco ce matin de voir même de la prise de vue réelle, finalement, et complètement autre chose dans un festival de cinéma d'animation. Histoire de me reposer, de parler un peu, je vais vous retourner une question. Est-ce que Tito Anaïs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais est-ce que ce film aurait dû être en compétition Moi, je dirais oui. Florian des Ursulines dit oui aussi, qu'il l'a vu. Moi, je l'aurais bien vu en effet en compétition, oui. Je pense que ça aurait fait. Mais est-ce qu'on n'aurait pas eu la moitié de la salle? On m'a dit que Jasmine, par exemple, il y avait pas mal de gens qui étaient quand même sortis. Vous savez, mon problème, et là-dessus, je comprends bien mon collègue Thierry Frémaux, qui souvent va justifier en disant on n'a pas eu cinéma en compétition parce qu'on le voyait mal dans Louis Lumière, avec la relation à l'écran et tout. C'est pas évident de projeter Tito Anaïs dans une salle de 800 places avec un écran de 15 mètres de large. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour ça. La question pour moi se pose en ces termes-là. Cette année, il a été projeté dans la grande salle des Haras. C'est un film que j'adore. Si j'avais été au jury, c'est très certainement un film que j'aurais défendu. Il était dans mon trio de tête. Alors, Jasmine, c'est un film que je défends, mais effectivement, c'est un film qu'on imagine mieux dans une salle comme celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui que dans la grande salle des Haras. On m'a dit justement, parler du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis et tout. Sauf que grâce à ça, il y a aussi certaines personnes qui ne s'y attendaient vraiment pas à voir Jasmine, comme certains films dans les faits expérimentaux ou abstraits qui ont toujours eu du mal à se mettre en place finalement depuis des années dans le sens du court-métrage et qui vont être touchés, marqués par la vision de ce film et être surpris. Moi, j'ai vu après la séance dans laquelle il y avait Zoom, que des gens qui avaient été touchés, marqués par la projection de ce film, effectivement. Qui est peut-être le film qui a suscité le plus de commentaires. C'est lequel déjà? Zoom, ce film de clignotement m'apparaissait plutôt presque une citation de McLaren, puisqu'on y trouvait ces lignes horizontales et verticales alternativement. L'avantage avec un programme de court-métrage, c'est qu'on peut glisser un film à caractère plus audacieux, un film plus expérimental, et ça met tout le monde dans l'obligation de voir le film. Alors que dans un programme de long-métrage, évidemment, il faut que les gens acceptent de se déplacer. Si les gens voient que le film s'annonce comme étant un peu trop recherché, ça risque de les décourager. Et d'ailleurs, hier soir, je vous l'ai dit plus tôt, j'ai vu Jasmine hier soir, donc je vous ai parlé de l'effet de décélération brutale que ce film, qu'on voit en plein milieu d'un festival où tout bouge très vite, et là, on doit s'asseoir et être donc attentif. Mais il y avait quoi, 15-20 personnes dans la salle, et j'ai très rarement vu ici à Annecy une salle si peu, où il y avait si peu de monde. Question d'habitude, sûrement. Pour enchaîner sur autre chose, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a des présentations aussi qui sont un peu récentes. Le fait d'accompagner certains programmes. Tu as interviewé, par exemple, Jerzy Kuchia directement dans la salle, assez longuement en plus. Donc, c'était vraiment voilà, une réflexion. On vous l'a présenté, Robert Morgan. C'est-à-dire accompagner finalement les films aussi. Moi, je pense que c'est important. Et ça, c'est, je dirais... un problème auquel Annecy a fait face lié à sa croissance. Les 14 ans de Serge Bombeck, ça a été 14 années d'une croissance formidable. Alors, quand on est en croissance, à un moment donné, on perd nos prises sur les choses. Parce que chaque année, on en ajoute, ça grossit. Il s'agit que de voir les catalogues. Hein. Moi, j'ai mes catalogues depuis 1995 chez moi. Puis au début, c'était fait comme ça. Puis là, puis, alors que ce qui est amusant, c'est qu'en dernier, on a des catalogues sur les paix et tout le monde reprochait à Annecy qu'il n'y ait pas de texte dans les catalogues. Alors, donc, cette croissance-là a fait en sorte que la prise en charge, je dirais, des cinéastes, et je ne parle pas de la prise en charge financière, mais je parle de la prise en charge artistique et l'accompagnement des cinéastes a été... est devenu de plus en plus marginal, voire complètement... absent. Il y a des cinéastes qui sont venus ici et qui sont passés totalement inaperçus. Je suis un fan fini du cinéaste de Singapour, Eric Koo, qui est venu ici présenter Tatsumi. Je ne l'ai jamais croisé. J'ai appris le lendemain de son départ qu'Eric Koo était passé ici. Heureusement, ils l'ont invité au jury juste après, ce qui m'a permis à ce moment-là de lui parler. Donc, moi, il me paraissait clair qu'il fallait trouver un moyen de ramener les cinéastes et la parole autour des films. On le fait modestement cette année, dans un contexte où on avait beaucoup d'autres chats à fouetter, puisqu'il fallait repenser les salles, il fallait monter les haras, il fallait, qu'en accélérer, donc j'apprenne à prendre en charge le festival, donc c'est une chose qui est absolument importante, là, que les cinéastes puissent parler de leurs films et puissent discuter avec les gens après, même de manière assez informelle. On a installé ce petit salon dans le Décavision, à côté du bar, où Kuchia, ou Max Anderson, les gens donc, qui accompagnaient les films pouvaient aller s'asseoir et accueillir le public après les projections pour qu'il y ait des échanges. C'est sûr qu'on peut améliorer ça encore, c'est sûr qu'on peut faire mieux et c'est sûr qu'on veut faire mieux. Vous savez, il y a une chose qu'on a fait cette année, et je sais d'être bref là-dessus, le mardi à 17h30, on a accueilli les cinéastes, tous les cinéastes qui avaient un film ici. Peu importe la section, ils étaient invités à venir prendre un pot avec Laurent Mignon, Yves Nougarel et Sébastien Espérard. Les gens en salle ici ne connaissent peut-être pas ces trois gars-là qui font un boulot formidable à qui il faut rendre hommage parce que c'est bien joli. Moi, je suis sur scène, puis j'ai un titre, délégué artistique et tout, mais ils font un sacré boulot de décrémage et de repérage des films tout au long de l'année. Bref, tous les cinéastes ont été invités à venir nous rencontrer, à se rencontrer entre eux, mais de manière totalement relaxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invitation pour les producteurs. Pas d'invitation pour les directeurs officiels. Pas d'invitation pour... On va se faire une fête. Les membres de jury. On a même mis les politiques dehors, ce qui n'est pas toujours facile. Du coup, on a fait un truc entre producteurs. Parce que... Excellente idée. J'appuie toute initiative de ce genre, y compris celle-ci des trois heures d'Alexis. Alors... c'est quelque chose qui nous apparaissait important, qu'on puisse serrer la main de tous les réalisateurs qui étaient ici, leur dire, on a pris vos films parce qu'on les aimait. On est content que vous soyez venus, puis on est content de voir vos films, puis leur témoigner plus qu'on avait ressenti au moment de voir leur film. Parfois, les cinéastes, ils ont l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont gagné à la loterie. Là. On a mis tout ça dans un grand chapeau. Puis, ben non. Et juste, je me suis amusé à me retrouver à un moment donné à une table où il y avait une demi-douzaine de cinéastes, puis je voyais les noms, puis je leur disais, ah oui, ton film, c'est celui-là. Puis l'autre disait, et moi, tu te souviens? Alors, juste le fait qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas des numéros, justement, qu'on sait ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est un signe de considération. Il faut que les processus de sélection soient respectueux du temps et du travail qu'ils y mettent. On sait qu'on n'est qu'une star parce qu'il y a plein de flashs. C'est la première fois de la semaine. Il y a autant de flashs. Est-ce que... je crois qu'il n'y a plus beaucoup de temps parce que je sais pas à quelle heure part le bateau. Faut que tu partes. Je vais partir bientôt, mais je pense que le bateau va partir sans moi. Mais oui. Je peux répondre à une dernière question. Donc, on va passer au-delà. On cinéma d'arrêt d'essai, de la bande-annonce. Il y avait plein de questions à poser sur les erreurs qu'il y avait dans la bande-annonce. On se disait, tout a commencé avec des producteurs. Alors tout a commencé avec des réalisateurs. Enfin, ce genre de choses. On va dire les choses très très clairement sur la bande-annonce. C'est pas mon ressort, j'ai pas été consulté, je l'ai vu pour la première fois, même soir que toi, d'accord, à Paris, au moment de la conférence de presse, j'étais au premier rang, j'ai vu ça, je me suis dit, je répondrai pas à des questions là-dessus. Ça, première chose. Mais deuxièmement, il faut choisir ses combats. Moi, c'est pas sur la relance partenaire que je vais me battre. Troisièmement, dans tous les festivals, c'est hyper rasoir, la nomenclature des partenaires et tout. Il n'y a pas de grand secret. Les meilleurs festivals sont ceux qui ont peu d'argent, comme celui de Marco, parce que là, on n'a pas à féliciter plein de monde. J'aimerais ça avoir de l'argent, Marcel. Et j'imagine que si tu avais tout à coup 18 partenaires qui t'amenaient des apports, tu serais très content de les remercier. Et ce ne serait pas très rigolo... de le faire. Alors ça, c'est un passage obligé. On le fait du mieux qu'on peut, le plus succinctement possible. Bon. Ensuite, dernier point, j'ai été le premier surpris de voir à quel point tu es dans la salle et à chaque jour, il y a une réaction qui monte et il y a des gens qui s'amusent avec ça. Bon, parfait. Moi, ça ne m'empêche pas de programmer ce que je veux, là. Et comme on a la bande partenaire et qu'on a ensuite le petit film Gobelin qui vient opérer une sorte de passage, de réalignement, je dirais, du public pour l'amener vers le premier film, honnêtement, je vais vivre avec ça sans aucun problème. C'est quoi le plaisir de Marcel Jean cette année, pour la première année en tant que directeur artistique? C'est quoi le vrai plaisir que tu as eu en allant dans les salles, en parlant avec les gens? Voilà, quelle est la bonne surprise par rapport à, je sais pas, la programmation que toi tu as pu faire ou, J'ai eu énormément, énormément de plaisir cette année. Et programmer un festival, c'est la même chose qu'enseigner ou réaliser un film et le montrer. Ou le produire et le montrer. C'est-à-dire que c'est communiquer une idée du cinéma. Je le fais avec le même sérieux, puis j'ai fait de la critique aussi, puis je dirais encore que ça participe exactement du même mouvement. C'est communiquer une idée du cinéma, c'est communiquer sa passion, c'est dire ce qu'on aime. On aime les films qu'on produit. Parfois, on est un peu surpris d'où cet amour nous a menés à la fin, mais on aime ça. On aime... Quand on critique un film, il y a un geste d'amour là-dedans. Quand on enseigne, c'est pareil. Et qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, c'est de rencontrer quelqu'un qui a été touché. Que cette personne-là ait été touchée par les voiles du partage, ou qu'elle ait été touchée par Trespassing, ou qu'elle ait été touchée par Yuki Onna, ou par Mademoiselle Kiki et Montparnasse, ça n'a pas d'importance pour le programmateur. Les films, c'est le choix de Sophie, hein? Je les ai choisis, c'est tous mes enfants à partir de là. Alors je les aime tous avec leur tard, avec leur qualité, et partant de là, quand j'ai quelqu'un qui vient me dire j'ai aimé tel film, c'est formidable. Quand les jurés débarquent et qui me disent voici ce qui était l'exercice depuis hier soir. Hein. Les jurys sont tous venus à leur tour me dire voici, monsieur le directeur, la liste des prix. Êtes-vous content avec nos choix? Je dis oui, j'ai choisi les films. Si je ne voulais pas qu'ils gagnent, je ne l'aurais pas mis. Alors, oui, je suis heureux de vos choix. Je suis triste pour d'autres qui n'ont pas gagné, que j'aurais voulu voir primer. Et tout à coup, tu as la Fipréchi qui débarque et eux, ils ont mis un autre film. Et là, tu te dis, ah, bon, ça en fait un de plus. Hein? Tout à coup, tu as le jury jeune qui débarque. Puis tu te dis, quand même, ils sont forts, ces jeunes, ils ont 11, 12 ans. Et là, c'est ça, constamment. Donc, pour moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est un peu de tristesse pour 3-4 films que je trouve absolument exceptionnels. Et je sais qu'ils n'auront pas de prix ce soir, donc ce sera mon boulot de faire un gros câlin aux réalisateurs au moment de la soirée après. C'était un petit peu compliqué cette année avec Léa Rare, rapidement, par rapport à Bonlieu qui a avant fédéré tout. Est-ce que là, il y a un bon retour par rapport au fait d'avoir cette salle, d'avoir un endroit qui fédérait... Sur le confort des sièges. En fait, ceux d'en haut et ceux qu'on a posés nous-mêmes en bas, ça allait. Alors, donc des plaintes sur le confort des sièges, mais la qualité de la projection était, à mon sens, au rendez-vous. Donc, et je préfère des salles où on voit, où la projection est bonne, que des sièges où on dort bien. Donc, question de goût. Pour l'an prochain, je me dis, là, les gens se sont repérés. Cette année, on était très vulnérables au climat. Si on avait eu 3 jours de flotte solide au début, probablement je me serais décommandé ce matin. Et là, l'an prochain, les gens vont débarquer ici, ils connaissent déjà le site des Harrah, on n'aura pas à insister tant que ça pour dire voici, c'est là. C'est... Et déjà, il va y avoir une autre dynamique. Est-ce que quand on finit un festival là, aujourd'hui, on pense déjà au prochain, dans la programmation des choses ou non? Déjà, on est content d'avoir terminé. Non, on est déjà, j'ai déjà monté les programmes pendant la semaine. On ne saura pas. C'est dire un petit scoop comme ça. L'an prochain, il n'y a pas de pays à l'honneur. L'an prochain, c'est la stop motion qui est à l'honneur. Donc, c'est l'animation de volume. On aura une quinzaine de programmes en animation de volume. On aura toutes sortes de choses. Programmes patrimoniaux, des trucs très récents. On est en train de déterrer, là je ne vous donnerai pas dans le détail, mais on est en train de déterrer les premiers films de stéréoscopie en volume qui ont été faits il y a plus de 30 ans. Donc, on ne sera plus sur Chérieff. On est au travail déjà. Ok, ben merci beaucoup. Juste le Grand Prix, donc. Et puis on te laisse partir. Cher Alexis, merci beaucoup. Merci. Marcel, d'être venu.